Bonjour tout le monde, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen, shalom. Bonjour. Veuillez me pardonner avec la connexion de l'Afrique. Avec la connexion de l'Afrique, là, c'est pas évident. Donc j'ai dû basculer d'un réseau à un autre parce que un autre réseau, le réseau Orange ne donnait pas du tout sa chute là. Et puis là, j'étais obligé de basculer avec MTN. Ah, ma famille, vous m'avez manqué. Oui. Comme il y a plus de femmes que d'hommes là, on commence. Honneur au monsieur d'abord. Bonjour, le frère Willy. Bonjour à tout le monde. Bonjour, frère Julien. Ça fait longtemps. J'ose croire que tu vas bien et que le travail se passe bien et que le Seigneur veille sur tout ce que tu fais. Oui, ça va. Merci beaucoup. Si tu es fatigué, tu me dis, je prends la voiture, viens te chercher, tu viens te reposer ici. Hein. Non, ça va, c'est bien. Le frère Willy, tu ne fais pas un détour par ici, peut-être à ton retour, tu fais un détour par ici, tu te reposes même 3 jours avant de partir. Non, c'est pas possible. tu veux seulement voir, tu veux voir ta, tu veux voir ton épouse, quoi. La sœur Kelly, bonjour. Shalom, frère Junior, shalom, shalom. Bonjour. La sœur Flora, bonjour. Bonjour, mon frère. J'espère que tu parviens à tenir avec les enfants. Je crois que c'est pas facile. Que le Seigneur te bénisse vraiment. Que te fortifie. Amen. Et beaucoup de courage à vous, particulièrement vous les femmes qui avez des enfants, parce que c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident de marcher avec le Seigneur et puis suivre l'éducation des enfants avec toutes les influences qui se trouvent dans le monde. Que le Seigneur vraiment vous fortifie. Amen. Je suis dans la prière pour vous. Je suis dans la prière pour vous. Amen. La sœur Nafissa, bonjour. Bonjour, bonjour mon frère, bonjour à tout le monde. La sœur Alida, bonjour. Alida Koufi. Ton micro est ouvert, parle, on va t'écouter. Il y a une qui est calme là, la sœur Julie Gabo. Bonjour. Bonjour frère, bonjour à tout le monde. Elle est couchée là comme une femme enceinte qui vient prêt à coucher. Elle dit bonjour, frère Junior. Bientôt. Ah, gloire au Seigneur. Mon frère, oui, il est encore travaillé ce matin. Oui, mais il va être comment je suis connecté sur son compte là parce que j'ai préféré. Ok. Donc il va nous jouer ou bien il est au travail aujourd'hui? Non, il est parti travailler. La semaine dernière, il était là. Toi, tu n'étais pas là. Oui. Dans le voilà. C'est-à-dire qu'il a comblé à mon vide alors. Voilà. Comme on ne comble pas la place de quelqu'un. J'ai travaillé jusqu'à 2 heures avec ceux du Canada et puis je lui ai écrit là, il n'était pas connecté. Donc, je crois que je lui ai écrit avec 1 heure comme ça. Oui, il a vu ça ce matin. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes dimanche. Vous m'avez manqué. Merci, tu nous as manqué. La soeur Flora ferme le micro parce que les enfants bavardent là-bas. La soeur Paul Gertrude, bonjour. La soeur Paul Gertrude est connectée, je crois bien. Bonjour à toi si tu nous écoutes. Alors nous sommes dimanche. Quelqu'un a-t-il des questions? Je crois que le frère Willy peut-être a une exhortation à nous donner ce dimanche matin. La sœur Gertrude. Oui, frère, tu disais. Il demandait si tu n'avais pas une exhortation à nous donner ce matin, ce dimanche matin, une fraîche exhortation comme ça. Ah, quelque chose qui m'a perturbé, on va dire, qui m'a beaucoup ému. Oui. C'est le départ de, c'est la mort de Johnny Hallyday, là, le chanteur. Oui. Alors, je suis pas en train de parler que cette personne est morte, donc je suis triste. Ce qui me rend triste, c'est que, étant en France, j'ai vu un peu la vie qu'il a menée. Oui. Donc, malheureusement, j'imagine beaucoup là où il se trouve en ce moment. Mais le point clé de ce que je souhaite dire aujourd'hui, c'est voir le monde, voir tout ce nombre de personnes qui suivent ce chemin, parce qu'ils étaient tous présents pour ces funérailles et toutes ces personnes-là n'ont pas conscience. Donc voilà, s'il y aurait un sujet à mes yeux important ce week-end, c'est ça. C'est malheureusement suivre ce genre de personne qui n'est pas forcé, qui n'est pas le bon chemin. C'est terrible, n'est-ce pas? Mais malheureusement, je ne savais pas qu'il était mort. Il est mort reçu des maladies. Oui, il est mort des suites d'un cancer des poumons qui s'est déclaré, on va dire, en début d'année là. Donc, la maladie l'a emporté sur 9-10 mois. En moins d'un an, et la mort l'a emporté. Voilà. Ouais, toute la gloire qu'il avait, toutes les fans qu'il avait, tout l'argent qu'il avait, qu'est-ce qu'il en a fait maintenant? Est-ce qu'avec ça, il a pu se soigner ou bien il a pu s'en tenir? Bien sûr que non. Et là maintenant, qu'est-ce qui te marque ou bien qu'est-ce qui te fait méditer sur son sort particulièrement ce matin? Ce que j'expliquais, hein, je ne sais pas si vous avez bien entendu tout ce que j'ai dit. La première chose, c'est lui. Forcément, on imagine fortement que il n'est pas au paradis. On imagine fortement qu'il est en enfer. Je ne sais pas si les frères et sœurs ont déjà vu sur internet ou entendu parler. Il y a le témoignage d'une personne sur cette terre qui avait expliqué que Dieu lui avait fait visiter l'enfer, et que à cette époque-là, la personne avait croisé Michael Jackson, qui était en enfer, notamment. Il y avait deux, trois personnalités comme ça, et qui passait son temps à chanter, voilà, qui passait son temps à faire que ça, là-bas. Donc j'imagine fortement que cette personne, Johnny Hallyday, doit malheureusement certainement vivre la même chose. Et moi, ce qui ressort de ce sentiment, de cette situation, c'est pas simplement la personne en elle-même, c'est-à-dire Johnny Hallyday, c'est aussi toute la population, parce qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes qui le suivent, et donc finalement, malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas conscience, parce qu'ils ne connaissent pas ce que nous on connaît, n'ont pas conscience du chemin sur lequel ils vont quand ils suivent cette personne, quand ils soutiennent cette personne, ou quand certains, si c'est le cas, copient sur ce genre de personne. Copient dans le sens être admiratif de la vie qu'il a menée, être admiratif de tout ce qu'il a fait, alors que tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a mené n'est que l'enfer. Rien d'autre. Et là, les gens n'ont pas conscience, justement. Je crois que c'est l'une des choses que le diable a fait là, c'est de voiler l'au-delà aux autres. C'est-à-dire que les gens croient que la vie consiste à. Enfin, que c'est le chemin de tout le monde, comme la Bible le dit. Mais ils ne voient pas au-delà de cela, au-delà de la mort, une autre existence. Soit dans le côté de l'enfer, comme tu as dit, ou bien du côté des dieux. Et je crois que c'est l'une des choses qu'il faut qu'on tire la sonnette d'alarme aux gens pour dire non. Hey, le style de vie que tu mènes là, ça va nous te conduire soit en enfer, soit au paradis. Si tu vis mal, ça va te conduire tôt ou tard devant le jugement. Donc les gens n'ont pas conscience du jugement de Dieu et de cette autre vie là, lorsqu'on quitte la terre. Puisque le monde est fermé dans l'ignorance et dans tout genre de dépravation. N'est-ce pas, frère Willy? Amen, amen, amen. Et puis ce qui fait peur, c'est que beaucoup de gens se disent seuls aujourd'hui. Donc sous-entendu que leur vie était seulement guidée par ce genre de personnes. Et malheureusement, nous on le sait, il n'y a que Dieu qui est au-dessus de nous et pas ce genre de personnes. Et malheureusement, c'est ça. Aujourd'hui les gens qui pleurent sa mort, ils pleurent autant, certains, ils pleurent autant que s'ils auraient perdu leurs parents. Oui. Ou leur conjoint, leur mari, leur femme. Donc ça c'est malheureusement triste. Parce que ils ont le voile devant les yeux et c'est vrai qu'il faudrait exhorter et expliquer aux gens qu'il n'y a qu'une personne qui est au-dessus de nous et que c'est-à-dire Dieu et que toute personne aujourd'hui un chanteur demain un président de pays on est tous au même niveau on est tous pareils on finit tous pareils exact et c'est un petit peu le problème que j'ai moi à mon travail c'est-à-dire que j'ai des gens au-dessus de moi, il y a toujours des chefs, il y a toujours des gens, comme dans une entreprise. Et les gens qui sont au-dessus de moi voient et ressentent que je ne suis pas impressionné devant eux. Parce que dans mon esprit, il n'y a pas de problème. C'est eux les responsables, c'est eux, comme moi, ceux qui sont au-dessus de moi. Mais comme j'ai conscience qu'on est né égaux et qu'on terminera tous de la même manière. Ouais. Forcément, je n'ai pas cette appréhension, ces yeux, on va dire, qui se baissent devant les gens. Ouais. Et parce que ça, c'est une force, à mon sens, de pas rester devant quelqu'un en ayant la peur. Mais voilà, sincèrement, c'est quelque chose, malheureusement, par contre, que je paye dans mon travail, parce que forcément, les gens qui sont au-dessus de moi n'apprécient pas de ressentir ça. Et c'est malheureusement ce qu'il faudrait. C'est ce que je veux dire, c'est que chacun d'entre nous, là, on n'est pas obligé de faire le métier que moi je fais. Chacun d'entre nous, on ne doit pas avoir peur de qui que ce soit, seulement de Dieu. Absolument. Ouais. Absolument. Avec ta foi, donc, voyant votre milieu particulièrement, comment tu parviens à vivre ta foi donc, autour de toi, avec tes collègues et tes chefs et autres là-bas? Est-ce que c'est facile de vivre en étant chrétien et parmi les militaires? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que il y a plusieurs choses qui définissent le métier que je fais. C'est-à-dire que déjà, c'est un métier où on peut être amené à tuer. Oui. Alors on peut dire ce que l'on veut, on peut dire que ça serait peut-être pour se défendre, peu importe. Mais finalement, c'est un métier que je fais. Enfin, le métier que je fais amène une certaine violence et amène la mort. Oui. C'est-à-dire qu'on nous l'apprend. On nous l'apprend parce qu'on est tous formés pareil. On est tous formés pour être capable de tirer avec une arme. Oui. Ça, c'est une première chose. On est tous formés aussi pour mener une guerre. On est tous formés, c'est-à-dire à faire des choses si jamais on vient être en guerre face à quelqu'un, face à un ennemi. Donc déjà, on a cet aspect que l'on côtoie, que l'on vit dans ce métier. Alors forcément, quand moi je suis rentré dans ce métier, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, que je vis au quotidien, c'est l'alcool. L'alcool, c'est-à-dire que il y a des gens. Moi, j'ai vu des gens arriver de leur vie civile et tomber dans l'alcool, par exemple. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je combats, parce que moi, je n'en bois pas. C'est très très rare. Si je viens à en boire, sincèrement, ça sera avec ma famille, parce que on va fêter l'anniversaire, mais c'est vraiment très très rare. Je dis pas que c'est bien, mais en tout cas, voilà, je ne vais pas non plus mentir. Mais c'est voilà. Donc dans mon travail, je ne bois pas. Beaucoup de fois, on m'a fait la remarque. Parce qu'en fin de compte, les gens ont l'impression que c'est celui qui boit pas qui a un problème. Ils n'ont pas conscience qu'en fin de compte, c'est eux qui ont. Donc ça aussi, c'est un autre problème que je vis, parce que en fin de compte, si on veut être un bon militaire, il faut savoir boire. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Après, autre chose dont j'ai abordé le sujet, c'est les chefs. Les chefs, dans le sens où il faut qu'ils sentent qu'on a peur d'eux. Il faut qu'on dise oui à tout. Oui. C'est-à-dire que s'ils disent noir, et que d'habitude on dit blanc, il faut qu'on dise noir. Oui. Donc ça aussi, c'est très difficile, parce qu'il faut assumer son opinion. Il faut assumer ce que l'on pense. Oui. Il faut rester sur la ligne qu'on s'est fixée. Et très souvent, moi, c'est pas le cas. C'est-à-dire, c'est pas la même ligne que celle que normalement je devrais faire pour mon travail. Et tout ça, je le paye. Tout ça, je le paye parce que on ne me fait pas avancer. On me fait pas avancer dans ma carrière. Il y a des choses qui avancent, mais il n'y a pas de tout. Oui. Donc, parce que chaque année, c'est comme à l'école, on est noté. Chaque année, on a une feuille bien spécifique là, qui est la même pour tout le monde. Et là, on dit si la personne est bien, on dit si la personne est mal. Donc, on coche des croix, et puis après, il y a un texte qui dit certaines choses. Et quand on ne connaît pas, on va dire, les règles, il peut y avoir des mots qui peuvent être mis dans un texte et qui brise, tu dis. Dit que beaucoup de choses, beaucoup de gens sont. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont fous. Avec vous, ils vont vous dire, ah, le chef, il est pas bien. Mais dès que le chef est là, tout va bien. C'est-à-dire qu'ils n'assument pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent. Très souvent, ça m'arrive de dire qu'il y a des militaires, ils pourraient faire acteurs. Parce que il joue un rôle. Il joue un rôle. Et ça, c'est sincère aussi, ce que je vous dis. C'est, je veux dire, ça peut vous paraître bizarre si vous n'êtes pas dans ce milieu. C'est, voilà. Donc, je baigne dans un milieu qui est très particulier. Je baigne dans un milieu qui me fait voir beaucoup de choses. Alors après, en faisant ce métier, forcément, il y a des choses qui changent dans ma vie. C'est-à-dire que finalement, il y a une chose que, par contre, Dieu m'a permis d'apprendre, c'est d'observer les gens, d'anticiper leur attitude, d'anticiper leur action, de définir un peu les personnes que c'est. Est-ce que c'est une personne qui est honnête? Est-ce que c'est une personne malhonnête? Est-ce que cette personne, je vais pouvoir la faire évoluer dans son travail? Parce que je dois prendre des décisions. Je dois prendre des décisions et, par exemple, là, c'est le demain matin, je commence un tout nouveau chantier. Donc, il a fallu que je désigne des gens. Je désigne des gens à faire ça, à faire ça, à faire ça. Tout le monde peut faire tout. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je vis dans mon travail, c'est-à-dire prendre des décisions, les assumer, parce que tout le monde n'est jamais content. Oui. Et ça, c'est le côté positif de mon travail. C'est-à-dire que j'ai appris à driver, à encadrer un certain groupe de personnes. Ça peut m'arriver d'avoir 20, 25 personnes sous mes ordres. Et moi seul, je prends des décisions. Et c'est très difficile de faire ça avec tout ce que je vous ai expliqué sur mon métier et avec tout ce que l'on peut, avec tout ce que je peux connaître de la parole de Dieu. C'est-à-dire respecter l'être humain et ne pas être, on va dire, ne pas avoir de méchanceté sur la personne. Donc c'est très très compliqué de trouver l'équilibre. L'équilibre, c'est-à-dire garder quand même mon attitude et mon rôle que je dois avoir dans ce métier, et aussi avoir l'esprit chrétien. C'est très difficile parce qu'il faut pas basculer trop d'un côté. C'est-à-dire, si je suis trop gentil avec les gens, malheureusement, après ça peut se retourner contre moi. Absolument. Parce que c'est comme les enfants, hein. C'est comme les enfants. C'est vous aurez beau parler aux enfants, mais des moments il faut hausser le ton et il faut se fâcher. Donc c'est là où il faut trouver la nuance. C'est pas facile. Et c'est un métier, parce que je vais pas non plus parler toute la matinée, et c'est un métier qui est particulier. Qui est particulier pour plein de raisons. La première, actuellement, je vous parle, ça fait 2 mois que je vois plus ma famille, je les vois juste en vidéo. Et il faut équilibrer les choses. Il faut équilibrer les choses parce que, vous avez votre vie ici, votre travail, vous avez votre vie de famille qui avance. Il faut trouver l'équilibre, il faut arriver à trouver les relations idéales pour la famille. Et après, la deuxième chose, c'est que vous découvrez plein de choses. Vous apprenez, vous développez votre métier, vous développez les relations que vous avez avec l'être humain, etc., etc. C'est très formateur, mais c'est très difficile aussi. En tout cas, beaucoup de courage, beaucoup de courage. Joab était un grand chef de l'armée. Abner, fils de Ner, était un grand chef de l'armée. Et ils ont tous honoré le Seigneur. Naaman le Syrien était un grand chef de l'armée. Ils ont honoré le Seigneur en leur temps. Donc, honore le Seigneur en portant le flambeau de Christ dans ton métier, en quelque lieu que ce soit, comme la Bible déclare. Dans le livre de Luc au chapitre 3, les disciples sont venus, pendant que Jean baptisait, il y a des gens qui sont venus, les soldats sont venus devant Jean Baptiste pour demander qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne leur a pas demandé de quitter le corps de l'armée. Non, parce que l'armée, dans un pays, sur le plan humain, doit être là pour protéger. Et malheur à toi si tu ne protèges pas et ne fais pas ton métier. Donc, il a dit aux soldats, contentez-vous de votre sol. Jean constate, il connaissait ce qui se tramait dans le milieu des corps de l'armée. Donc, il disait, faites votre travail comme il se doit normalement et contentez-vous de votre sol. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Merci. Alors, nous disons un bonjour particulier à la sœur Paul Gertrude qui est là et la sœur Loris Kenny. La sœur Loris, bonjour. Bonjour à tous les bien-aimés, bonjour. Bon, on te voit. Vous allez bien? Personne, on voit seulement un homme en blanc là-bas, une statuette en blanc. On ne sait pas si c'est la sœur Loris là-bas. Ah bon? Ah oui. Parce qu'il fait noir. En fait, il neige et puis c'est sombre à l'extérieur. Donc, du coup. Ça va mieux là? Non, en fait, ta vidéo là, c'est ta vidéo. Tu n'as pas ouvert ta vidéo quoi. Ah, d'accord. Oui, vous allez m'aider parce que je ne suis pas trop... Android. Non, les enfants, ils dorment encore. Donc. Oui. Bon, donc, qu'est-ce que je dois faire? Il y a une icône de caméra là. Tu cliques juste sur l'icône de caméra. Il y a l'icône du micro. il y a l'icône de micro et à la gauche de l'icône de micro se trouve une icône de caméra en principe. Si tu as vu ça, non, ma soeur? Dans l'interface de Skype là. Le frère Guy Richard, bonjour. Bonjour. Que le Seigneur te bénisse. Encore ce matin, nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Amen, shalom. Amen. Qui est-ce qui est encore connecté, dont je n'ai pas encore dit bonjour? Le frère William, je crois que le frère William est en train de voyager ou bien il est en déplacement. Je ne sais pas s'il est connecté. Le frère William, si tu es là, bonjour. Ou bien il est dans les transports en commun. Ah ouais. Oui. Tu es dans les transports en commun, c'est ça? Son micro est fermé, je crois. Son micro est fermé. Oui, on voit les gestes que tu fais, mais on t'entend. Pardon, tu as certainement le problème avec ton micro. La seule gestion, on t'a salué 400 fois ici, on n'a pas entendu de retour. On ne sait pas si tu nous entends. Bonjour, non, j'entendais, mais il n'y avait pas de retour. Ok. Que le Seigneur te bénisse alors. Que le Seigneur te bénisse. Donc, Bonjour, merci. Aider la sœur Loris à mettre sa caméra. Elle a dit qu'elle est une maman, elle ne sait pas comment on met la caméra. Moi, j'ai le volume, je ne sais pas trop quoi, et après, je comprends pas. Bon, il y a une touche. Si quelqu'un a un iPhone, il peut m'aider hein, pour savoir où est-ce que je dois appuyer. Bon, dans l'interface de Skype qui est en train de parler actuellement devant toi, il y a le quoi, l'icône du volume. Tu as vu le petit micro là? Du coup, l'icône du Oui, son. Tout juste à ça. après il y a. Il y a quoi? Là, c'est pas bon. Après, il y a un point rouge et après, il y a. Voilà, je crois que... Déjà, il faut savoir si tu es connecté sur quoi, sur ton téléphone ou sur la tablette ou sur l'ordinateur. Et quoi qu'elle a appuyé sur le rouge, elle a quitté, elle va encore rejoindre la scène. Bon, maintenant, je suis à votre service maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Je crois qu'elle est revenue là. Donc, la sœur Loris, que Dieu te bénisse. En fait, peut-être la sœur Loris, la première fois qu'elle se connecte, elle ferait mieux de se présenter. Présentons-nous pour que la sœur Loris puisse savoir avec qui elle a affaire. Il y a la ravissante Julie Gabo qui est là comme ça. Elle est tranquille comme une femme enceinte, oui. C'est quoi avec toi, frère Julien? Tu vois la grossesse tout le temps. Donc, présentation, on commence par la sœur Julie. Bonjour, bonjour ma soeur. Moi, c'est Julie Ngabo, l'épouse de Monsieur Ngabo qui n'est pas là actuellement. Il est au boulot. Et tu te trouves à Tradex Yassa, Je suis voilà. un bien-aimé qui est à Paris, en banlieue parisienne, du côté de Viry-Châtillon. Entre-temps, elle est en train de faire le déménagement sur son téléphone. On continue, continue, continue, que Dieu vous bénisse dans votre ordre. Continuez, continuez. Les hommes sont timides. Elle veut qu'on la voie. Hein. Mais Nous aidez, aussi, on pleure. Aidez-la, aidez-la. Mais aidez-moi alors, vous voulez me voir, Oui, ma soeur, tu es connecté sur quoi? Sur ton téléphone ou sur ta table? Oui, sur mon téléphone, iPhone. Voilà, donc pose juste ta main, comme ça les icônes vont apparaître. Pose ta main sur l'écran, comme ça les icônes vont apparaître. C'est ce que je fais, hein. Voilà, mais il y a un dessin qui est la caméra en fait, juste la caméra. Tu dois juste appuyer sur la caméra. Et je laisse ma main dessus. Oui, appuie, tu lâches. Appuie, tu lâches, comme ça va te connecter. Ah, d'accord, c'est ce que je faisais. J'appuie dessus, mais ça ne prend pas. Bizarre. Insiste un peu, moi, doigt. Qu'est-ce que je fais? Oh là là, en plus, ces enfants-là, ils vont bien se moquer de moi. C'est ma fille qui m'a chargé Skype il y a 2 jours ou 3 jours, je ne sais plus. Il n'y a pas une à côté de toi qui peut t'aider. Non, non, non, non. Là, il neige et tout, là, il profite d'homme. Et sur mon ordinateur, ça me dit il y a un problème aussi, donc du coup, je peux pas. Ça, c'est l'ennemi, hein. Ça, c'est Satan. J'ai tellement attendu cette journée-ci. Et il vient me faire. Il ment, ça doit marcher au nom de Jésus. Allez, tu le marches. Pas possible, ça. C'est pas même pour qui. Bon, je crois que le temps qu'elle manipule avec le doigt, on peut continuer, n'est-ce pas? Alors, je suis à votre service depuis quoi, 3 ou 4 semaines, nous avons commencé. Je crois que quand quelqu'un vient de nouveau, il faut qu'on le mette dans le bain avant d'avancer. Nous avons commencé des séries d'enseignements. Je ne sais pas si quelqu'un peut faire un briefing encore une fois de plus afin qu'on puisse avancer. Que la série risque. Je crois qu'elle aura du mal à prendre le train en marche parce que c'est vraiment long. On a avancé là peut-être pendant plus d'un mois. Mais par la grâce de Dieu, elle va écouter cela. Que le Seigneur vous bénisse. Qui peut nous donner un résumé alors? Frère Guy Richard s'est dit que à l'école il fait les résumés, même ici il va venir encore faire les résumés. C'est notre étudiant, il a encore la mémoire fraîche. Voilà, donc Frère Guy Richard, tout le monde a jeté son dévolu sur toi. Alors, bon, depuis le début, d'abord selon le titre du groupe, c'est la France dans la sainteté. Donc il s'agit dans notre milieu, comment marcher dans la sainteté devant tout ce qu'on voit dans le milieu dans lequel on est et qui n'est pas forcément adéquat, qui n'est pas forcément réceptif par rapport à Dieu. Alors on essaie tout d'abord de donner des exemples dans la Bible et on avait pris par exemple celui de Lot. Un exemple qui lui était considéré comme juste dans son milieu à Sodome et qui essaie de pratiquer le commandement de Dieu et garder la sainteté même avec sa famille. Et on a vu aussi que la Bible dit que lui était injuste, mais devant tout ce qui s'est fait de méchant autour de lui, son âme était continuellement, journellement tourmentée. Et est-ce que c'est notre cas aussi? On a donc pris, essayé de prendre des exemples, des enseignements dans le Nouveau Testament qui nous parlent en fait de la nouvelle créature. Donc en réalité, lorsqu'on vient à Christ, il y a des choses qui doivent se passer en nous. On doit, un, se dépouiller des œuvres de la chair, et deux, avoir le renouvellement de l'esprit et dans le processus du revêtement de l'homme nouveau. La Bible dit que toute écriture est utile pour corriger. Et donc, quand on essaie de prendre la Bible, essayer de voir tous les enseignements qui nous sont donnés. On a Philippiens, dans Colossiens 3, nous dit, 3 à partir du verset 5 à 8 à 11, au début, on nous dit, faites donc mourir ce qui est dans les membres, ce qui tient à la terre, la fornication, les passions, les mauvais désirs, l'avarice, qui est une idolâtrie. Et dans le verset 6, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion. Et le verset d'Éphésiens aussi 4, 17 nous dit la même chose. Donc on voit en fait qu'en réalité, lorsqu'on n'était pas en Christ, il y avait des choses qui étaient en nous, qui attiraient la colère de Dieu. Et donc la Bible nous révèle que ces choses-là maintenant qui étaient en nous, depuis que nous sommes en Christ, nous devons maintenant nous dépouiller de ces choses et maintenant revêtir l'homme nouveau. Et dans ce processus du revêtement de l'homme nouveau et du renouvellement de l'exercice, de l'intelligence, le frère Junior nous avait donné un exercice à faire. Et en essayant de prier, mais pas à haute voix, pas avec notre bouche extérieure, mais avec la bouche du cœur, en disant par exemple au Seigneur, de nous nettoyer, de nous dépouiller de toute œuvre des ténèbres, de toutes ces œuvres que j'ai citées notamment, tout ce qui peut rendre notre cœur impur et toutes ces choses-là, et demander à Dieu de nous purifier, de mettre sa vie en nous. Et par la suite, nous avait donné aussi une série de versets dans le livre de Proverbes à méditer, et toujours dans le cadre de cet exercice. Et un des versets précis qui est, moi, je pense qu'il y a le central, le pilier. Donc, le Proverbe 4, verset 23, je pense qu'il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là proviennent les sources de la vie. Donc, pendant tout ces 3 ou 4 séries, on n'a fait que passer en boucle cela et voilà, expliquer, essayer de vraiment se dépouiller de toute œuvre de la chair, et avec tous les versets qui peuvent se trouver dans la Bible. Et méditer, méditer, méditer constamment la parole de Dieu. Méditer, pas seulement lire, mais méditer. Être sûr que ces versets-là prennent vie en nous. Et on va, enfin, avec cet exercice, chacun a pu témoigner de ce que Dieu a commencé à faire au travers de lui, dans son cœur. Et des choses mauvaises qui ont commencé à quitter. Et de l'intimité qui se crée encore plus avec le Seigneur dans le cœur. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà, il a applaudi vraiment. Je ne crois pas que le frère puisse fréquenter comme ça sans être premier de la classe. C'est merveilleux ça. Amen, amen, amen. Donc je crois, le Seigneur nous donne la grâce toujours de nous parfaire au devant de lui. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Si on est juste, on continue toujours dans cette voie de justice. La sœur Laurence, je crois que l'entraînement, ce n'est pas le jour de la Coupe du Monde que les joueurs partent s'entraîner. Je crois qu'après la séance de travail, on va devoir t'entraîner à voir par rapport à la vidéo. La prochaine fois, on va certainement se voir face à face avec les autres frères, si le Seigneur le permet. Donc, pendant que le frère Guy Richard faisait le résumé, je ne sais pas si tu as écouté, parce que de temps en temps, ça raccrochait, puis tu revenais là-bas. Parlant de vivre dans un milieu pervers, quel est ton témoignage? Comment tu parviens à vivre ta foi aux alentours de toi, la sœur Laurence, la nouvelle venue? Tu es de quelle région de la France? Dans quelle région? Je suis dans le Nord-Pas-de-Calais, où il neige beaucoup aujourd'hui, là, spécialement. Donc, tu as un problème particulièrement avec les neiges? Pourquoi ça te persécute comme ça? Non, j'aime pas, parce que je travaille beaucoup, je fais beaucoup de routes. Oui. Et quand il neige, j'aime pas. Donc, même Dieu sait que j'aime pas la neige. Demain là, ça doit s'arrêter. Pardon. J'aime pas. Donc ça veut dire que ton problème persécuté, c'est la neige alors? Pas que ça me persécute, mais c'est quand même dangereux. Il y a beaucoup d'accidents quand il y a la neige. Hein, donc j'aime pas. Donc du coup, il y a beaucoup d'accidents. Quoi qu'on dise, il y a beaucoup d'accidents pendant la neige. Beaucoup de courage. Et comme je fais beaucoup de route, du coup, même Dieu sait que j'aime pas. Donc je sais que demain ça va fondre. Hein. Ça va aller. Alors, le frère Guirichard faisait un briefing de tout ce que, un résumé de tout ce qu'on a vu. Je crois que qu'on a déjà vu à travers pendant presque un mois, plus d'un mois maintenant, concernant le cœur, la sanctification et notre rétablissement dans la prière sans cesse. Je crois que tu auras le temps d'écouter cela. Mais le premier thème abordé, c'était comment vivre dans un milieu perverti, quelque chose comme ça. Où on a vu le cas de l'autre, effectivement, comme il était en train de faire le résumé. On a vu comment l'autre était dans un milieu et il n'était pas perverti et vivait de façon... La Bible déclare dans ce livre de Pierre qu'il tourmentait généralement son âme juste par ce qu'il entendait et voyait de ses yeux. Et puis on se posait la question, quelle est notre réaction vis-à-vis de toutes ces choses de homosexualité, tous ces lesbianismes et toutes les publicités à outrance qui sont là pour heurter notre sensibilité, briser nos enfants, briser la vie de Christ qui est en nous. Alors je souhaite te poser aussi la question, celle-là, c'est le risque, si tu as des comportements des gens tout autour de toi qui te fait du mal au cœur, et comment tu vis ta foi tout autour de toi, même avec tes collègues? Tout d'abord, je tenais déjà à remercier le Seigneur particulièrement, qui t'a mis à cœur, qui t'a donné ce message d'enseigner. Et j'ai suivi beaucoup des enseignements, et vraiment, je pense que la vérité ne se cache pas, la vérité, on ne peut pas la... Même si on n'accepte pas, on sait que c'est vrai, donc voilà. Et quand on veut marcher avec Dieu, on est obligé de lui obéir, comme un enfant qui obéit à ses parents. Donc, si tu obéis, tu auras ça, si tu n'obéis pas, tu n'auras pas. Dieu, c'est pareil, moi je dis, c'est ce que je prends comme exemple souvent avec mes enfants. Donc du coup, j'ai pris le temps avant de... J'ai prié beaucoup avant de me rapprocher du serviteur de Frère Junior. Et je suis rentré en contact avec une sœur, Kelly, que je vois d'ailleurs, qui m'a fait savoir qu'il y avait un groupe. Parce que j'ai vu ses commentaires suis les enseignements et comment je sais pas trop faire les commentaires, je sais pas comment faire. Du coup, j'ai été contactée, elle m'a fait savoir qu'il y avait un groupe de France. J'ai dit, ah, pourquoi pas, je vais me connecter. Et comme ce week-end, je ne travaille pas, je dis, depuis 8 heures, je ne dors plus, hein, je suis prête. Hein, donc, mon mari va nous, il devait nous joindre, mais je ne sais pas. Bon, bref, donc il va arriver peut-être. Et les enfants, également, ils sont au courant, hein, ils savent que maman va être connectée. Oui. Donc, par rapport à la question que tu as posée, c'est vrai que c'est pas facile. Mais moi, mon secret, je regarde à Jésus, à la parole. Voilà mon secret, parce qu'on vit dans ça. Amen. On vit dans ça. C'est grave, mon frère. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Tu vas soigner les gens, parce que moi, je travaille à domicile. Tu vas soigner des gens qui sont homosexuels. Dieu a dit de ne pas juger, donc je ne peux pas ne pas les soigner parce qu'ils sont homosexuels. Donc je fais quoi? Je fais mon boulot. Parfois je me dis, Dieu savait s'il me les envoyait. Et dans mon cœur, je me dis, Seigneur, peut-être que tu vas peut-être me donner une parole. Tu vas. J'essaye d'avoir un comportement au maximum chrétien. Et le Seigneur, je lui rends grâce parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, peut-être pas forcément les homosexuels, se posent des questions. Par rapport à ma façon d'être, ils se disent qu'il y a quelque chose. Là, je vais parler de Jésus. Dans mon secret, même les enfants, hein, on parle de tout. J'en ai trois, deux garçons, une fille. C'est pas facile parce qu'ils sont entourés que de ça, que de ça. Mais le secret, c'est Jésus. Jésus, prière. Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Ce que Dieu n'aime pas, on ne fait pas. Ce que Dieu aime, on fait. Donc, moi, voilà comment j'essaye d'avancer. Mais franchement, c'est grave. C'est grave au point où on s'embrasse en route. C'est... Je suis allé faire, chez un monsieur, faire la prise de sang. Tout son corps était tatoué. Des serpents, des dragons. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Je vais piquer ce monsieur. Je vais faire comment? Mais Dieu, comme Dieu est du bon, j'ai réussi à... Parce que je ne voyais pas où je vais aller pouvoir faire ma... La prise de sang, je dis, c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Il fallait piquer sur la tête du serpent ou bien sur la tête du dragon, n'est-ce pas, ma soeur? Je sais pas, j'ai cherché une place, donc je n'ai pas cherché à savoir où c'était vraiment. J'ai simplement dit que Dieu m'aide, et Dieu m'a aidé. Et lui-même m'a dit, madame, c'est la première fois qu'on me pique du premier coup, ce n'est pas facile, parfois on me pique au pied. Je me demande dans mon cœur, Seigneur, merci, parce que. Que faire? C'est pas évident, mais qu'est-ce qu'on fait? Il reste chrétien, tu vas pas soigner les gens parce que ils sont comme ça, peut-être, je sais pas, c'est pas évident en tout cas, c'est pas évident, pas du tout. En tout cas, beaucoup de courage à vous. On doit se fortifier parce que c'est très très difficile. Et toi-même, est-ce que cela a été parce que tu as dit que tu as écouté pour longtemps et prié aussi pour longtemps, ça a été facile pour toi d'admettre la vérité? Attends, j'ai un de mes fils qui arrive. Emmanuel, s'il te plaît, aide-moi. Amène la caméra. Ouais, les enfants du 21e siècle sont Android depuis le ventre. Ils mettent des outils informatiques depuis le ventre, les enfants. Caméra, c'est voilà. Ça, la caméra. Entre temps, quelqu'un a-t-il des questions? La soeur Alida, tu es toujours calme, silencieuse là-bas, à Milan. Y a-t-il des questions? C'est la caméra. Hola. Oh, mais bon. Ma caméra a un problème. Bonjour, mon bébé. Bonjour. Tu Skype. Bonjour. Bon, ma caméra a un problème, hein, donc. Oui, certainement. Peut-être c'est pour ça qu'on ne me voit pas. Il n'y a pas de problème, ma soeur. La prochaine fois, on va te voir. D'accord. Donc, je tente de lui poser la question là avant que l'enfant ne vienne. Je tente de poser la question, est-ce que la vérité a été facile aussi à admettre pour toi? Et comment tu es parvenu à la vérité, vivant dans ce monde perverti ici? Bon, je pense que à la base, Dieu m'avait déjà donné un caractère de vérité. J'étais quelqu'un dans la à la base dans le monde qui était déjà quelqu'un de vrai. Je n'aimais pas les trucs, les trucs faux là. C'était pas mon truc. Donc, dès qu'il fallait faire un truc faux, je n'étais pas concerné. Donc, du coup, pour moi, ça a été facile parce que quelque chose qui est vrai, c'est noir, c'est noir, blanc, c'est blanc. Donc, on va pas dire que le noir est tant belle. Non. Donc, pour moi, dans mon cœur, ça a été facile en fait. Je n'ai pas eu de problème. Hein. J'ai pas eu de problème. La vérité, c'est la vérité, ça ne se ment pas. Amen. Voilà. Quelqu'un a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on prend un sujet de la Bible, on travaille par la grâce du Seigneur. Quelqu'un a-t-il des questions? Oui. Tu nous as pas encore dit, tu nous avais promis ça. Tu nous avais dit que dès la deuxième séance, tu vas nous dire pourquoi tu as fondé le groupe. Oui. Mais avant ça, j'avais également dit que vous devez me raconter quand vous faites l'exercice, qu'est-ce qui se passe. Racontez donc, qu'est-ce qui se passe en faisant cet exercice-là. Racontez votre témoignage. Qu'est-ce que vous avez. Alors, allons-y, commençons par toi. Oui, la caméra ne marche pas bien. Pas moi. Oui. J'avais témoigné, je continue, Frère Junior, je continue cet exercice pour que le Seigneur élimine toutes les traces de ce qui ne va pas en moi. Mmh. Bon, il y a un truc qui m'a montré, mais c'est privé. Oui, gardons ce qui est privé. Je tenais à dire, quand vous faites cette prière-là avec le cœur, quelles sont les confrontations que vous avez, c'est-à-dire qu'avec votre personne, avec la pensée, avec l'extérieur, comment vous parvenez à vous en sortir et quel, à l'issue de cela, parce qu'en réalité, ce style de travail-là aura même les répercussions sur votre chair physique. Même le corps va changer, même votre aspect va changer, même le visage va changer. Vous savez, la Bible déclare que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. On peut voir sur ton visage, quand il y a l'inquiétude, quand il y a restauration sur le cœur, la répercussion c'est sur le visage. C'est pour ça que je pose la question, parce qu'il faut qu'il soit sûr que vous allez l'assimiler avant qu'on avance. Quand il y a la sérénité intérieure, ça se lit sur le visage et tout le corps commence à avoir des situations. Oui, ma soeur. Justement, pour ma part, je me rends compte que les événements ne m'agitent plus en fait. C'est peut-être par rapport à la parole, comme quand tu m'avais prescrit de lire beaucoup la parole. Je croyais que comme tu m'avais dit que ça va me transformer au fur et à mesure. Donc je vois qu'on peut m'appeler pour m'annoncer une nouvelle fracassante, mais j'ai un calme. Je suis calme. Donc je ne sais pas comment je pouvais m'affronter dessus. Mais je garde mon calme. Et aussi c'est quelque chose que j'apprends aussi de toi. Parce que je vois comment tu es calme tout le temps. Donc, dès qu'il y a un événement, parfois, dans ma tête, je dis que mais Frère Junior aurait réagi comment? Tu vois, donc, comme le modèle du troupeau que tu es, donc, ce calme-là que je vois aussi en toi, j'essaie aussi de le copier. Et je suis en train de remarquer que, justement, quand les événements arrivent, ça ne me secoue plus comme avant, en fait. Ça m'affecte, mais plus comme avant. Je ne veux plus m'embrouiller, je ne veux plus être soucieuse au point de passer les nuits blanches, non. Je dors calmement au point que le matin, je me dis, mais comment j'ai pu dormir calme comme ça avec ce que j'ai appris? Donc voilà un peu ce qui m'arrive. Et depuis 2 jours, j'étais en train de méditer sur ça. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive d'être calme en fait? Voilà, que le Seigneur vraiment te bénisse. Le frère Guy Richard. Donc, j'ai deux choses à dire. Mais le premier, en fait, là, c'était au tout début, quand j'ai vraiment commencé à faire cet exercice. J'étais dans le train, le RER, je rentrais à la maison, et j'étais assis dans mon coin tranquillement. Et tout d'un coup, il y a une dame qui est rentrée. C'est une dame africaine. Et là, elle était au téléphone, elle commençait à parler. Moi, je priais, je voulais prendre ma Bible aussi, commencer à lire, méditer un peu. Et elle a commencé à parler, mais vraiment les paroles qui sortaient. Pour elle, c'était une discussion normale avec peut-être son ami, sa collègue, je sais pas. Mais les paroles qui sortaient étaient quand même des paroles vulgaires, grossières. Et voilà, elle riait un peu et tout. Mais moi, j'étais vraiment irrité dans mon cœur. Et après, avec son accent, comme je suis ivoirien, je me suis rendu compte qu'elle était ivoirienne aussi. Tout ça, mais elle parlait, elle rigolait et disait, pour elle, les choses, c'est normal. Et en même temps, elle insultait son patron, tout ça. Bref, elle disait des choses vraiment pas possibles. Et en même temps, dans sa discussion, j'entends le nom de Dieu, j'entends Dieu aussi dedans. Et dans mon cœur, je me dis. Et il y a une parole du Seigneur qui m'est venue, je me suis rappelé de cette parole qui dit, en fait, est-ce à toi aussi de prononcer ma loi? Le Seigneur qui dit, quelqu'un qui vit dans le péché, normalement, je ne passais pas à lui de parler de Dieu. Donc, vraiment, j'étais tellement irrité. Je me disais, bon, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Jusqu'à un moment, je me suis dit, bon, il faut que je me lève, je m'arrête devant elle, je commence à lui parler de Jésus, et puis voilà, quoi, qu'est-ce que c'était. Et tellement j'en pouvais plus, je suis sorti, j'ai changé de wagon, en fait, pour aller m'asseoir, pour continuer mon exercice. Donc tu as fui le problème, tu l'as abandonné dans son monde, là, quoi. Après, je me disais, bon, si je me lève, il faut que je lui dise quelque chose, j'ai pas vraiment quelque chose de précis. L'exercice proprement dit, pendant que tu fais l'exercice, comment ça se passe? Quelle est la répercussion et quel est l'impact sur ton cœur et sur ta propre vie spirituelle? Bon, en fait, je peux dire que ça m'aide aussi beaucoup à plus comprendre la parole de Dieu. Savoir que des gens, par exemple, des gens qui peuvent être agités, tout ça, en réalité, c'est pas eux. C'est vous m'entendez? En réalité, c'est pas eux, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Du coup, ils se comportent comme la Bible dit, comme des brutes. Voilà. Donc, quelqu'un peut te faire du mal, mais c'est pas lui. Bon, enfin, c'est pas vraiment de sa faute, si on peut dire ça comme ça. Voilà, il ne connaît pas le Seigneur. Et par exemple, au travail, j'ai un collègue qui, tout le temps, il ne fait que se plaindre, murmurer, dès qu'il y a quelque chose de mauvais. Vraiment, moi, ça. Non, enfin, si j'étais pas encore chrétien, voilà, peut-être que facilement j'allais continuer avec lui. Mais je me dis, je reste calme dans mon coin. Lui, il comprend pas. Tout le temps, il vient. En plus, comme moi, je suis calme, c'est à moi qui vient se confier. Il essaie de se confier pour dire, voilà, tu vois pas ce qui n'est pas bien. Moi, j'essaie de rester calme et lui dire, voilà, tant que tu veux pas t'approcher pour essayer de faire changer les choses, arrête de te plaindre. J'essaie de lui dire ça. Parfois, j'essaie de lui parler de Jésus en passant, mais je sais qu'en réalité, c'est pas sa faute. Et à un moment, je me disais, tellement c'était trop. À cause de ça, il a failli avoir des problèmes. Mais enfin, en fait, tu comprends vraiment quel esprit l'anime. En fait, tu arrives à avoir un discernement des esprits. C'est que, par exemple, lui, moi, j'ai c'est comme si, en fait, il faisait le rôle de. C'est Satan, en fait. Quand on dit Satan, il est l'accusateur. Du coup, dès qu'il y a un problème, lui, il va directement essayer d'accuser. Voilà, c'est telle personne, c'est telle personne. Et pour essayer, voilà, de mettre la faute. Et en fait, pour moi, ça m'aide beaucoup dans le discernement des esprits. Beaucoup. Moi, ça m'aide beaucoup dans le discernement des esprits. Et ça fait que, voilà, donc, il y a une situation, par la grâce du Seigneur, j'essaie de pas m'agiter, d'attendre une direction de comment le Seigneur lui-même, il aimerait que j'agisse, comment il aimerait que, voilà, je me comporte et ne pas foncer comme ça, la tête baissée, les choses. Amen. La sœur Paul, elle chauffe là-dedans, elle veut parler depuis là. Pour ma part, je vais déjà rendre grâce à notre Seigneur Jésus. Parce que dimanche dernier, on parlait, le frère n'était pas là. Donc le mari de la sœur Julie, oui, le mari de la sœur Julie, on était en train de parler. Donc du coup, je disais que moi, j'ai toujours la douleur. Vu les choses qu'une personne que j'aime m'a faites. Et le frère m'a dit ceci, des fois, il faut prendre un jeûne pour pouvoir évacuer toutes ces choses-là. Le jeûne et la prière. Donc, du coup, quand on a fini le lundi, je suis en jeûne. J'ai commencé les prières, prier, demander le secours à notre Seigneur Jésus. Et après le jeûne, j'ai constaté que j'ai plus de murmure dans mon cœur. Et même quand je pense à ce que la personne m'a fait, ça me dit plus rien. Et j'ai décidé aussi d'aller toucher la chose du doigt, donc affronter la personne pour lui dire voilà les offenses que tu m'as fait et que ça m'a énormément blessé. Donc je pense qu'après ça, je serai vraiment, vraiment, vraiment libérée. Mais les murmures dans le cœur, la douleur, je constate que je ne l'ai plus. Amen, amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. La sœur Kelly, it is up to you now. La sœur Kelly est connectée. Bon. Je crois que son micro doit être fermé, la sœur Kelly. Ton micro est fermé, certainement. Donc, on ne t'entend pas. On passe le temps qu'elle règle son micro. Oui. La sœur Flora, comment on va les... Comment les... Tu as échoué? La sœur Flora, raconte-nous. Son micro est également fermé. Oui, la sœur Laura. Allô? Trop de bruit chez la sœur Laura. Rentrons. Ferme ton micro, il faut fermer ton micro. Il y a des enfants là-bas. Oh, là-bas. Allô? Oui. Il y a le bruit chez toi, la sœur Laura. Ferme le micro comme ça. Voilà, je crois que tu es là, tu as isolé le bruit maintenant. Alors, allons-y. Comment est-ce que l'exercice, quel est l'impact de l'exercice et comment tu as fait avec l'exercice, quoi? Le frère Christophe, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui. Pardon. Ben, moi, j'essaie de travailler, en fait. Oui, vas-y, ma soeur, vas-y. Alors, c'est Laura, vas-y, on t'écoute. Hello. Oui, on t'écoute, ma soeur. Allô? On t'écoute, ma soeur, c'est toi qui n'as pas de retour, je crois. La soeur Kelly, allons-y de ce côté, le temps que oui. Voilà. Donc, l'exercice, j'arrive à le faire et effectivement, ça marche pour moi. Bon, parce qu'avant, il y avait toujours des pensées, voilà, des choses que je ruminais, tout ça. Et donc, quand j'ai mis l'exercice en pratique, j'ai vu que ça avait quitté toutes ces choses, voilà, qui n'étaient pas, qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et puis maintenant, quand j'essaye de penser par ma propre volonté, parce qu'avant, ça venait comme ça, je n'arrive plus. Et puis, des fois, je suis tranquille, quand une situation se passe, et puis ça veut venir, mais ça n'arrive pas, en fait. C'est-à-dire que c'est pas simplement de je ne retrouve pas, ça quitte directement. Donc, je ne sais plus par un ressenti ou des pensées. Voilà. Je suis capable maintenant, dès que je dis non, c'est fini. Donc, ça n'a plus d'impact sur moi. Donc, j'arrive à gérer ça, je ne sais pas, par moi-même. Donc, et puis mon environnement aussi, comme disait la sœur Julie, au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui peut m'atteindre. C'est-à-dire que par rapport à est-ce que j'ai dû à vivre, j'ai encaissé les choses et maintenant je m'attends au Seigneur. Il n'y a rien qui peut arriver pour me troubler en fait. Parce que je regarde au Seigneur et je sais que c'est le Seigneur qui me donne cette force-là. Donc on dirait que je suis capable maintenant de dire, quand je dis non, pas ça, tout de suite, donc ça me broie plus comme avant, on était comme des victimes, quoi. Mais maintenant, c'est moi qui prend les directives, c'est moi qui décide. Donc, c'est un peu ça. Ça m'a donné une force, en fait, quand je dis non, c'est non. Donc, ça insiste pas à pas. Alléluia. Je crois qu'il y a la sœur Nafissa, si on ouvre son micro, là, maintenant, ça va crier. La sœur Alida Koufi, as-tu essayé de pratiquer cet exercice? La sœur Alida, elle est connectée. Je crois qu'elle est connectée. Oui, on ne t'entend pas. Ton micro est fermé également. Allô? Oui, on t'entend, ma sœur. Vas-y. Oh, d'accord. J'ai dit l'exercice, j'ai commencé. Pourtant, j'ai un peu de difficultés de concentration. Dû au travail, au boulot, mais bon, par moment j'arrive, quand j'oublie, et automatiquement ça vient, il y a une parole qui vient dans ma tête qui me dit, et surtout dans Proverbe, où on dit les yeux de l'Éternel sont partout, observant les bons et les mauvais. C'est cette parole à chaque fois, quand il y a quelque chose que je suis en train de faire, cette parole me vient en tête. Et automatiquement, je me réfléchis et je vois, il y a certaines choses au boulot qui sont en train de changer avec les collègues parce que c'est un peu difficile. Mais bon, y a des choses de... Avant, je pouvais voir sans rien dire, mais maintenant, elle veut faire. J'ai dit, bon, vous faites, moi, je ne le ferai pas. Si vous voyez, vous voulez faire, faites, moi, je ne le ferai pas. Et c'est comme ça, il y a des choses qui sont en train d'échanger un peu. C'est cette parole-là qui me roule dans la tête, les yeux de l'Éternel sont partout, en servant les bons et les mauvais. C'est ce verset-là qui m'accompagne. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Bon, maintenant, je pose la question. Est-ce que vous comprenez l'importance du travail que le Seigneur nous permet de faire? Le frère Christian, il y a de bruit chez le frère Christian, là. Je crois qu'il est au boulot. Oui, c'était juste pour vous saluer et vous dire que le Seigneur vous bénisse. Comme je suis au boulot de temps en temps, voilà, je vais retourner, quoi. Je vous laisse alors, moi je vais retourner. C'est parce que je voulais juste vous saluer. Ok. Shalom, frère. Shalom, shalom. Shalom à tous. Shalom. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Je représente valablement le Seigneur Jésus-Christ dans ton boulot, comme d'habitude. Merci. Voilà. Si vous le voulez bien, on peut continuer encore ce dimanche dans la même lancée en entrant dans les profondeurs. Il faut qu'on entre encore dans les profondeurs. Vous voulez? Oui. Je crois qu'on va, pour la Saint-Loris, on va devoir commencer quelque part avant d'avancer. Notez et prenons ce passage, là on va commencer là-bas. Le livre de Marc au chapitre 7, prenons Marc chapitre 7 et commençons-y. Le livre de Marc au chapitre 7. Et pendant que vous y êtes, vous notez également Matthieu chapitre, souvenez-vous parents, si vous ne m'écoutez pas bien, vous veuillez répéter. Pour que je répète, parce que quand je suis concentré dans la Bible là, je ne vais pas suivre l'écran. Marc au chapitre 7 et puis Matthieu chapitre 5, le verset 8. Vous notez, on va commencer là et on va avancer. Voilà. Si quelqu'un a Matthieu, dans Marc chapitre 5, 7, il lit. Vous y êtes, frère? Et sœurs. Quelqu'un peut-il lire? Le verset. À partir du verset 14, prenons à partir du verset 14, mais je vais expliquer ce qui se trouve derrière. Verset 14 au verset 22. Jusqu'au verset 23. Commençons là. Je lis au nom du Seigneur. Alors, ayant appelé toute la multitude, il leur dit: écoutez-moi tous et comprenez ceci. Rien de ce qui est hors de l'homme et qui entre en lui ne peut le souiller. Mais ce qui sort de lui, voilà ce qui souille l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il fut entré dans la maison, après avoir quitté la multitude, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Et il leur dit: êtes-vous aussi sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre du dehors dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela ne lui entre point dans le cœur, mais dans le ventre, et va au lieu secret, ce qui purifie tous les aliments. Il disait donc: ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, sortent des mauvaises pensées, des adultères, des fornications, des meurtres, les larcins, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté, la folie. Tous ces vices sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà. Le décor est planté encore pour parler aujourd'hui. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, qui donne le bilan de l'homme, c'est-à-dire ce qui nous concerne. Et qu'on le veuille ou pas, nous avons ces choses en nous. La sœur Loris, elle est avec nous. La sœur Anne Goba, bonjour. Alors la sœur Anne, bonjour et bienvenue ce matin. Bon, je crois qu'elle ne nous suit pas. Bon, on va continuer. Alors, dans ce livre de Marc, chapitre 7, les pharisiens vont confronter le Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez à partir du verset 1, je crois qu'il y a quelqu'un qui, dans le micro, est en train de bouger là. Vous lisez à partir du verset 1, vous allez remarquer que les pharisiens sont venus confronter le Seigneur Jésus en disant que ses disciples mangent sans se laver les mains. Et donc, à partir de là, les problèmes vont commencer sur ce qui souille l'homme, l'état de souillure. Le Seigneur Jésus-Christ, dans ce verset 14, dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme comme aliment, mais c'est ce qui en sort. Et là, au verset 21, regardez encore, il dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, c'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. » Si on s'arrête seulement là-bas, c'est un problème maintenant avec les hommes. Et souvenons-nous, tous les éléments, les ingrédients que le Seigneur va citer là, c'est pour dire que les hommes sont souillés. Donc si quelqu'un a des mauvaises pensées, le Seigneur dit la source c'est dans le cœur. Ce n'est pas dans votre cerveau, c'est dans le cœur. La source est dans le cœur. Il dit car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent, c'est issu de là, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, c'est de l'intérieur que ça sort. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Il dit toutes ces choses, c'est le Seigneur qui dit toutes ces choses qui viennent de citer là. Il dit les mauvaises, c'est toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et puis concluent et souillent l'homme. Maintenant, ouvrons Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Vous y êtes? Le verset 27, qu'est-ce que ça dit la sœur Kelly? Alors, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Oui. Amen. Nous voyons fatidiquement la Bible. Je crois qu'il y a la sœur Anne Goba qui vient de se connecter. Je crois qu'il y a si tu nous écoutes, veille fermer ton micro pour qu'il passe ce son désagréable. Donc, si vous m'écoutez très attentivement, écoutons ce que la Bible dit. D'un côté, le Seigneur Jésus met et dit la condition de l'homme. Que l'homme a des choses à l'intérieur de lui, la source, le point de départ de cela, c'est le cœur. Et dit, et cette chose-là, tant que c'est dans le cœur, l'homme est souillé. Et ici, on donne le résultat maintenant de ceux qui vont entrer. Il dit qu'il n'entrera chez elle rien de souillé. Il y a quelqu'un qui a de parler là, je ne sais pas qui c'est. Je crois que c'est la sœur Anne. Essaie de lui écrire à cette Anne. La sœur Anne, veille fermer ton micro. Alors, je recommence encore. Alors, la sœur Anne. Bonjour, frère. Bonjour, tu es dans le groupe La Sainteté, quoi? La France dans la Sainteté. Comment tu vas? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Oui, tu viens de voir les gens connectés là, n'est-ce pas? Et je crois que c'est la première fois également pour toi. Pourquoi? On ne te voit pas. Toi, tu nous vois, n'est-ce pas? Tu me vois? Oui, je te vois. Mais on ne te voit pas. Tu es où alors? Ben, je ne sais pas, mais quand j'ai mis là, je ne sais pas. Je crois qu'on a besoin de cours de caméranologie ici, là, aujourd'hui, après cela. Donc, de toute façon, coupe ton micro, on va continuer à travailler là, d'accord? Mais si tu coupes et tu nous écoutes, si tu as des questions à poser, tu ouvres le micro et tu en poses, d'accord? Eh bien, voilà la sœur Anne a la victoire. La sœur Loris, regarde la sœur Anne là maintenant. Elle a pu se connecter. Bonjour, ma sœur. Bonjour, frère et sœur. Ouais. Tu es dans quelle partie alors de la France, ma sœur Anne? Je suis à Crépy-en-Palma. Ah, je crois que c'est... Vous avez écouté... La sœur Julie... Tu es en Allemagne? Moi? Non. C'est à Picardie. Dans la Picardie. Ah, la sœur Kelly, c'est toi. Peut-être tu es le préfet de Paris. Dis-nous. Oui, la Picardie, c'est... Ah, j'ai cru avoir entendu Bonn en Allemagne. J'ai dit, comment quelqu'un de Bonn se trouve dans la France, la sainteté. Bienvenue de toute façon, ma soeur, d'accord? Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Mmh. Tu as des questions aussi? Non. Ok. Donc tu permets qu'on avance dans l'enseignement, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc comme tu as pris Amen. l'enseignement en cours, on venait de commencer, après avoir fait le briefing de tout ce qu'on a vu, on est en train de vouloir traiter les affaires que nous avons dans le cœur. Nous venons de lire Marc au chapitre 7, les versets 14 à 23, et c'est là où nous avons commencé. Je crois que tu peux prendre en attendant cela, Marc au chapitre 7, versets 14 à 23. Et on a aussi pris le livre de Matthieu chapitre 5, verset 8, où le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc le Seigneur dit, d'une part, dans Matthieu chapitre 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et de l'autre côté, on voit le Seigneur qui nous dit, en définissant la condition des hommes, il dit, ce qui entre dans la bouche de l'homme ne souille pas l'homme, mais ce qui en sort. Et il cite donc les choses qu'il y a. Il commence par les mauvaises pensées. Il dit, ces mauvaises pensées, les vols, les adultères, les meurtres et tous les dérèglements qu'on puisse avoir, le lieu de résidence sur le cœur. Et le vrai problème, c'est que ce sont les choses d'ordre de l'esprit qui se trouvent dans notre corps, et le cœur est intégré dans notre corps. La question maintenant, c'est comment faire pour résoudre ces problèmes-ci? Parce que Jésus dit là clairement que toutes ces choses mauvaises, il appelle dans le verset 23 encore, verset 23 dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit ces choses-là souillent l'homme. Donc si on a constamment les mauvaises pensées, et qu'on y a même un peu, parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, si on a un peu de haine sur le cœur, on a un peu de vol sur le cœur, de meurtre sur le cœur, de regards envieux sur le cœur, on est déjà souillé. C'est la condition. Qui dit Haya comme ça là? C'est le risque. C'est la Bible qui nous la présente là, n'est-ce pas? Oui, je comprends. C'est voilà. C'est pour cela que le Seigneur a suscité ces choses, c'est pour faire ce travail-ci. Parce qu'en réalité, les chrétiens sont trop forts pour citer les versets bibliques. Mais pour que ces versets. Par la grâce du Seigneur, nous allons entrer dans les Écritures, vous allez voir tout à l'heure. Mais pour que ces versets-là habitent en nous et que ça prenne vie en nous, c'est un autre défi là maintenant. Remarquez très attentivement dans le livre des Jean au chapitre 15. Je crois que vous, si vous me connaissez, vous devez savoir que vous devez préparer le bic parce que ça va sortir dans tous les sens là maintenant. Si vous prenez le livre des Jean au chapitre 15 et souvenez-vous, si ça va vite, vous faites la main comme ça, que vous dites que je calme, je vais doucement parce que quand ça me prend là, ça va dans tous les sens. Dans Jean chapitre 15 donc, le Seigneur Jésus-Christ va dire au verset 7, il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeure en vous, puis dit, demandez ce que vous voulez, vous sera accordé. Oh mon Dieu, je crois que le moment viendra, on travaillera également sur ce style de verset, parce que beaucoup de chrétiens se plaignent que, un, ils n'entendent pas la voix de Dieu, deux, on prie, on ne sait pas si Dieu entend des exaucés, si Dieu nous écoute même, quel est le vrai problème? Il faut qu'on travaille jusqu'à ce que nos cœurs soient connectés au Saint-Esprit, au point où on peut connaître la pensée de Dieu, à un moment donné bien précis, dans une situation. Parce que les gens prient chaque fois, ils disent, Seigneur, montre-moi dans les songes. Ils lui donnent ils indiquent même à Dieu le domaine dans lequel il va dire, Seigneur, cette nuit, parle-moi par les songes. Pourquoi Dieu ne peut pas te parler directement sur ton cœur en mettant la pensée qu'il veut en toi directement alors que tu es éveillé? Tu veux seulement dormir avant que Dieu puisse te parler. Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Le fait qu'on admet qu'il faut qu'on pas dormir pour que Dieu nous parle, ça, c'est un signe pour nous montrer que notre chair dérange. Parce que notre chair est un obstacle pour nous d'entendre la voix de Dieu. Et on veut donc que quand la chair est hors d'état de nuit pour que Dieu puisse nous parler. Eh bien, et même quand Dieu parle dans ce domaine-là, dans le rêve, on se lève. On dit, hein, ça peut être l'ennemi qui m'a parlé. Hein. Justement, et là, tu as raison. Parce que si tu te couches, l'ennemi peut aussi le faire. Donc, vous voyez qu'il est temps qu'on cultive une assurance avec le Seigneur, une relation avec le Seigneur qui va nous permettre d'être en contact avec notre Père. C'est pas normal que le Seigneur dise que mes brebis entendent ma voix. Et on ne parvient pas à entendre sa voix. Il faut qu'on travaille là, dans ce domaine-là. Il faut que le Seigneur nous parle pour qu'on puisse discerner ses voix. Et donc, vous remarquez très attentivement que vous êtes à la prière, vous vous mettez à genoux pour prier, vous fermez les yeux. Si vous fermez les yeux, à l'instant où vous fermez les yeux, tout genre de pensées vous assaillent. Tout genre de pensées. Ça va commencer de la difficulté de la famille par rapport aux insultes qu'on vous a faites et les dettes que tu as eues, que tu vas payer, les impôts qui vont venir, ainsi de suite. Tout genre va vous traverser. Et vous êtes là pour prier devant le Seigneur. Vous restez calme. Quand vous êtes calme, c'est là où vous entendez une musique, une ancienne musique que vous avez eu à aimer. Ça commence à jouer à l'intérieur de vous. Vous posez la question. Vous entendez comme maintenant Prudencia, Prudencia dans votre cœur. Vous dites, mais Prudencia pour la discothèque. C'est Mayway qui est en train de jouer maintenant dans votre cœur. Vous posez la question, qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez que ça va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Il y a tout un monde dans notre petit organe qu'on appelle cœur là, à l'intérieur de nous. Voilà donc pourquoi le Seigneur a suscité ces enseignements, ces séries d'enseignements, pour essayer d'extirper et nettoyer ça en nous, afin que le cœur soit le lieu résident dont il veut. Notez le livre d'Ézéchiel au chapitre 36, notez cela. Ézéchiel chapitre 36, on va y revenir tout à l'heure. Ézéchiel chapitre 36, vous allez voir ce qu'il en est. Donc, le Seigneur Jésus nous dit dans ses Marc chapitre 7, le verset 23, il dit « Toutes ces choses mauvaises ». Donc, en fait, il n'y a rien ici qu'il a cité qui est bien pour nous. Il a commencé par mauvaises pensées, les adultères, ainsi de suite, les vols, les cupidités, la fraude, le dérèglement. Donc, avant que quelqu'un ne fraude, avant que quelqu'un ne connaisse l'adultère, il dit d'abord, ça se trouve d'abord à l'intérieur. C'est vrai, on dit en réalité, si l'homme ne commet même pas l'adultère à l'extérieur, en se fermant quelque part, comme comment ça s'appelle, les nonnes, ou bien les sœurs, comment ça s'appelle, vous appelez ces gens qui partent dans le couvent là. Même étant dans le couvent, même si elles sont simples, je crois, la sœur qu'il y a le bruit chez toi, veuille fermer ton micro, je crois bien. Lorsque les gens sont coupés du monde, ils se coupent du monde en se retirant, mais le vrai problème de leur vie se trouve à l'intérieur dedans, en quittant donc le monde pour aller dans la maison, dans une maison pour t'enfermer. Tu t'enfermes avec ce même monde-là à l'intérieur de toi. Je ne sais pas si vous comprenez. La sœur qu'elle veille couper ton micro, je crois que c'est chez toi que ça crie là. Oui, il y a les enfants chez toi qui... Il faut que les gens soient concentrés dans ces choses-ci. Ne permettez pas qu'il y ait un bruit qui vienne pour déranger. C'est parce que ça, c'est d'une importance capitale. La vie chrétienne doit être vécue. Il ne s'agit pas de lire la Bible seulement. Il ne s'agit pas de lire et réciter les versets bibliques, de citer et de mémoriser. Non. Il faut que la parole prenne vie en nous. Il faut qu'on soit des témoignages vivants. Le Seigneur a dit, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Le Seigneur Jésus dit dans Luc chapitre 6, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Après, je reviens. Ne faites-vous pas ce qu'il dit. Donc, il est question de vivre la parole. Dans le livre de Jacques, que nous avons lu ici dans l'une des fois, au chapitre 1, les versets 20 à 25, nous avons vu comment la Bible déclare que celui qui écoute la parole, qui ne la met pas en pratique, est semblable à celui qui se regarde dans un miroir et aussitôt va et oublie quand tel il était. Mais on dit, mais celui qui aura plongé le regard. Vous voyez, écoutez bien les terminologies bibliques. Plonger les regards dans la loi de liberté, la loi de Christ, la loi parfaite, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre. Donc, plonger les regards. On parle cela de la méditation. Donc, on regarde pour méditer, pour modifier ce qu'il faut modifier. Vous voyez, et laisser la parole prendre vie en nous. On va voir toutes ces choses maintenant. Lorsqu'on ne fait pas ces choses-là, on va commencer chaque verset biblique. Quand on va dire, Dieu a tant aimé le monde, tu dis qu'il a envoyé son fils unique. Vous voyez, on commence à réciter la Bible. Mais le Seigneur m'a envoyé afin que les gens soient connectés à lui de la bonne façon. C'est pour ça que nous sommes là. Pour qu'on soit connectés au Seigneur Jésus. Vous voyez, il faut qu'on soit connecté au Seigneur Jésus. Il faut une réconciliation, une intimité avec le Seigneur. Et cette intimité ne peut pas se créer avec ces choses-ci en nous. Il faut que nous admettions cela. Il faut qu'on admette que notre cœur est méchant et tortueux, comme Jérémie chapitre 17, le verset 9 et 10 le dit. Il dit, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître? Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, si quelqu'un fuit, il va s'enfermer dans une maison en disant, ah, le monde là est mauvais. Le monde est mauvais. Écoutez très attentivement. Dans le monde, les adultères, les meurtres que vous voyez dehors, chacun est sorti de son petit monde. Il vient mettre en pratique ce qui est dans son cœur. Donc si tu pars, tu peux seulement contribuer aussi pour cela. Si chaque personne qui est dans le monde qui commet les adultères, les vols là, chacun rentre chez soi, on laisse le dehors vide. Chaque personne étant à l'intérieur toujours va continuer à tuer. Parce que la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 3 que si quelqu'un hait son frère, dans 1 Jean chapitre 5 là, que si quelqu'un hait son frère, c'est un meurtrier. Alors, vous n'avez pas besoin de voir votre frère pour le haïr. Il suffit que vous soyez dans une maison enfermée. Vous le haïssez de chez vous, vous l'avez tué. Vous voyez qu'on peut commettre le meurtre sans voir la personne. Et donc, ça veut dire que le vrai problème, non, ça se trouve à l'intérieur du cœur. Maintenant, la question maintenant, c'est que faire? Parce que là, nous venons de lire Marc au chapitre 7, le verset 23 nous dit, « Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Le problème ici, c'est que ces choses souillent l'homme. Et Apocalypse chapitre 21, le verset 27 que nous avons vu, le Seigneur nous dit que dans la ville sainte, souvenez-vous à partir du verset 1 du chapitre 21 là, il dit « J'ai vu les nouveaux cieux et une nouvelle terre qui descendait de Dieu comme une épouse préparée pour son épouse. Pour son époux. Et on commence à donner la description de ces lieux célestes là. Et par la suite maintenant, il dit, ceux donc qui vont entrer là-bas, ils n'entreront chez elles rien de souillé. Qu'est-ce que ça vous fait comprendre maintenant? Que rien, personne de souillé n'y entrera. Et Jésus a déjà dit ce qui souille l'homme. Où le problème de l'homme vient. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas le cœur pur n'y entreront pas. C'est ce qui en sort. Parce que dans Matthieu chapitre 5, verset 8, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Non, mais c'est des grands thèmes bibliques sur lesquels il faut qu'on travaille. Pas vrai, les frères et sœurs? Et donc, le verset 8 du chapitre 5 de Matthieu dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Il y a des femmes dont on a tellement maltraité que beaucoup de ressentiments et d'amertume se trouvent dans le cœur. Il y a des hommes qui ont tellement eu des déceptions vis-à-vis de leurs femmes que tellement de choses se passent dans le cœur, enfuies dans le cœur. Il y a des gens qui ont eu des maltraitances dans leur jeunesse au point où ils ont haï. Il y a des femmes qui ne veulent même pas se marier à cause des hommes parce qu'ils ont vu les mamans, comment les papas et leur papa et leurs parents étaient en train d'être traités. Ces ressentiments-là ont accumulé beaucoup de choses sur le cœur. Au point où, à un moment donné, donc, on commence à modifier nos styles de vie par rapport à tout ce qui nous est arrivé dans le passé. Toutes les choses, les persécutions qu'on a eues, les difficultés qu'on a eues. On a des choses sur le cœur. Le cœur est lourd. On ne peut pas prier. Il y a des gens qui ont du mal à sourire, du mal à rire aux éclats, parce qu'il n'y a pas de joie sur le cœur. Qu'est-ce qu'il y a fait? Des choses, des dépôts se trouvent sur le cœur. Quand vous êtes en joie, la personne s'étonne de ce que vous pouvez être en joie. Qu'est-ce qui peut vous faire rire? Parce qu'il n'y a pas la joie, il ne trouve pas la joie de vivre. Mais que le Saint-Esprit vient exprimer ces choses, vous allez apprécier devant le Seigneur chaque seconde de votre vie. Vous allez apprécier les bontés, vous allez voir la nature, apprécier le Seigneur dans l'œuvre. Vous allez voir n'importe quoi, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu dans tout ce qu'il a. Vous allez voir les personnes en face et savoir que même si les gens ont le visage fermé, des visages rugueux, les gens vous ont agressé, vous allez comprendre que ce n'est pas eux le problème, c'est que le système actuel est gouverné par Lucifer. Et donc là, vous allez comprendre qu'il faut aimer votre prochain. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre au chapitre 4 qu'on est avant toute chose un Adam, une Adam charité les uns les autres. Comment on peut aimer quelqu'un ardemment en étant voleur sur le cœur? Comment on peut aimer quelqu'un ardemment tout en le haïssant sur le cœur? Ce n'est pas possible que ces versets-ci nous concernent tant qu'on a ces choses-là enfuies dans le cœur. Il faut donc que le Saint-Esprit nous aide à les extirper. Et ce n'est que la parole qui peut entrer là-bas et l'extirper. Il faut que l'Esprit de Dieu, la parole Esprit, puisse entrer pour extirper cela, comme on va voir tout à l'heure dans le développement. Donc, en résumé, en bref résumé avant d'avancer, d'un côté, on dit toutes ces choses mauvaises viennent de l'intérieur, viennent de dedans, et ça souille. De l'autre côté, on dit, attention, il y a une nouvelle cieux, des nouvelles cieux, une nouvelle terre qui arrive. Et ceux dont le cœur est souillé, ceux dont qui sont souillés, n'y entreront pas. La question vient tout naturellement. Est-ce que je vais entrer dans ces nouvelles cieux, une nouvelle terre où la justice habitera? Si c'est oui, parce que la Bible déclare dans 2 Pierre chapitre 3, l'apôtre Pierre dit, nous attendons selon sa promesse. Nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et quelqu'un qui a ce genre de cœur, s'il ne peut pas dire qu'il va habiter dans ce lieu-là. La question maintenant, c'est, si je suis souillé, comment faire donc? Il y a des gens qui sont assaillis, comme je le disais, par des mauvaises pensées. Il y a des gens, et allons-y dans le livre de Proverbes chapitre 11. Proverbes chapitre 11. Proverbes chapitre 11, si quelqu'un y est, il peut lire le verset 20. Proverbe chapitre 11, le verset 20. Quelqu'un peut lire? Oui. Je crois que là, c'est en train de dire, mais il n'a pas la chemin. Proverbe chapitre 11, le verset 20, mon frère, vas-y, lis. Le verset 20, je lis au nom du Seigneur. Ceux qui ont le cœur dépravé sont en abomination à l'Éternel, mais ceux qui marchent en intégrité lui sont agréables. Amen. Vous voyez la façon dont la Bible parle. Donc, il dit, ceux dont le cœur est pervers sont en abomination à l'Éternel. Regardez encore une fois de plus, ça dit que ceux qui ont le cœur pervers, ceux qui ont la perversité sur le cœur, et ta version parle de dépravés sur le cœur, sont en abomination à l'Éternel. Mais celui qui marche dans l'intégrité, lui est agréable. Et c'est même Apocalypse chapitre 21, le verset, écoutez encore, rentrons encore ici, le verset 8 du chapitre 21 d'Apocalypse. Qu'est-ce que ça dit? Gardez le proverbe, gardez le livre de proverbe ouvert parce qu'on va y revenir de temps en temps. Apocalypse chapitre 21 maintenant, le verset 8, qu'est-ce que ça dit? Même pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. Voilà, voilà l'ascension. Et là, la Bible parle, mais les abominables. Les abominables, ce sont ceux qui sont les abominables. Et dans ce Proverbe chapitre 21, chapitre 11, verset 20, la Bible déclare que celui qui a le cœur pervers est en abomination à l'Éternel. Donc c'est un abominable. Et ça veut dire que le cœur pervers ne saurait entrer. Parce que le verset 27 du chapitre 21 de l'Apocalypse nous dit que en fait, ceux qui sont souillés n'y entreront pas. Vous êtes d'accord avec moi qu'il faut qu'on traite le cœur si on prend ce problème de cœur au sérieux, n'est-ce pas? Amen. Ouvrez le chapitre 28, le verset 26 du Proverbe. Qu'est-ce que ça dit, le Proverbe, chapitre 26? Chapitre 28, le verset 26. Est-ce que Loris, tu y es? Oui. Alors, lis-nous alors le verset 26 du Proverbe. Oui, verset 26. Chapitre 28, verset 26, c'est ça? Oui, c'est ça. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Amen. Oui, il y a des gens qui se taguent le poitrine et disent, j'ai confiance en moi-même. Je connais ma force de frappe. Je sais que je peux faire telle chose. Il tape sa poitrine. Et quand il tape comme ça, il caresse comme ça quoi à l'intérieur? Le meurtre. Il caresse quoi? La haine. Il caresse quoi? Les mauvaises pensées à l'intérieur du cœur. La Bible dit, celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Parce que le cœur va nous dérouter. Voilà pourquoi dans Proverbe chapitre 4, dont là, le verset 23, lisons également cela. Chapitre 4, verset 23. Qu'est-ce que ça dit? Lisez. C'est quoi? Proverbe 4. 4. Proverbe 4. Oui, verset 23. Oui. La sœur, je pose, je te coupe ton micro. Je peux lisser. Oui. Si tout le monde est à la bonne page. Oui, oui, c'est toi qu'on attend tout simplement. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché. Oui, très bien qu'elle est au chapitre 3. Tu es au chapitre 3, ma soeur. Va au chapitre 4, le verset 23. Tu es au chapitre 3, là, le verset 23. Tu m'as dit Proverbe 4, non? Oui, tu es au chapitre, c'est vrai, quand même au chapitre 3. Okay. Allons-y. Frère Junior connaît la Bible par cœur. Ah! Ne m'accuse pas, ma soeur. Allons-y, verset 23 du chapitre 4. Garde ton cœur plus que toute autre chose, oui. Car de lui viennent les sources de la vie. Ouais, mais si chacun de nous sommes ici, chacun est assis dans une maison. Si la maison prend feu là maintenant, il y a le frère Willy va prendre son ordinateur et ses outils de travail rapidement pour sortir. Pas vrai? Si on déclare feu là maintenant, il va prendre ses outils rapidement, les outils de travail. Il va courir pour sortir, n'est-ce pas, frère Willy? Oui, amen. Ah. Et donc maintenant, là c'est son outil de travail qui sera en train de protéger. Il y a d'autres, les femmes qui ont des enfants, si on déclare feu, là, ils vont prendre les enfants. Où est tel enfant? Pour sortir rapidement avec l'enfant. Maintenant, voici l'être humain et le monde qui va bientôt être jeté dans le feu. La Bible déclare que ce qu'on a à protéger, c'est notre cœur. Il dit qu'on garde notre cœur plus que toute autre chose. Et on dit parce que c'est de lui, le cœur, que vient les sources de la vie. Maintenant, le problème, c'est qu'avant que nous regrandissions, vous voyez pourquoi nous avons, les enfants que nous avons sous notre charge, ont la grâce que vous ayez connu la voie de la vérité. Parce que maintenant, ayant connu la voie de la vérité, vous pouvez leur donner un canevas spirituel dans lequel ils doivent grandir. Une path, ce qu'on appelle en anglais path, un chemin pour suivre. C'est ce que beaucoup d'entre nous n'avons pas eu comme grâce parce que nos parents ne suivaient pas la vérité. Vous voyez? Et donc, par conséquent, nous avons vécu dans différents milieux qui nous a pervertis, qui a installé en nous les semences de la perversion. Au point où même si vous êtes quelque part, vous pouvez pratiquer des choses que vous ne pensiez pas pratiquer. Vous voyez, parce que dans le cœur, la semence a eu le temps de se... Satan a mis sa semence. Vous avez fréquenté avec des gens pervers, vous avez grandi dans les maisons de perversité, où il n'y avait même pas la crainte du Seigneur. Toutes les choses que vous entendez, toutes les mauvaises actions que vous voyez, les répercussions, les clichés sont dans le cœur. Regardez maintenant la grâce que ces enfants-ci ont maintenant. Parce que vous les préservez de ne pas regarder telle chose. Vous les préservez de ne pas faire telle ou telle chose. Vous les faites grandir dans la voie du Seigneur. Vous et moi, on n'a pas eu la grâce, cette grâce-là que des gens nous ont fait grandir dans cette voie-là. Et par conséquent, il faut qu'on tienne ferme en mettant l'accent sur cela pour préserver nos enfants de ne pas vivre les mêmes choses que nous avons vécues. Ici, donc, on dit qu'on garde le cœur plus que toute autre chose. La question maintenant, c'est comment les mauvaises pensées, comment les vols, les dérèglements et toutes les autres choses, là, les fraudes font pour se retrouver dans le cœur. Comment ça fait pour se retrouver dans le cœur? Au point où vous commencez à savoir comment il y a des hommes qui regardent une femme comme ça, ils ont de la déshabiller avec les pensées. Comment est-ce qu'on parvient à arriver à ce niveau? Comment cela a fait pour pénétrer notre cœur? Parce que le cœur a été ouvert en boulevard. Souvenez-vous de ceci. Le cœur parle. Le cœur écoute. Le cœur parle plus que la bouche que je sens de l'utiliser maintenant. Et c'est le lieu par excellence des communications que Dieu veut pour nous. En fait, c'est le lieu où il communique avec nous. Voilà pourquoi Satan fait tout et tout pour brouiller. Souvenez-vous de la parabole des différents types de terre où le Seigneur parle des semences qui sont tombées sur la bonne terre, ainsi de suite, en roue et haut de là-bas. Il dit, la semence, celui qui est tombé en roue et dont les oiseaux ont mangé, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Et qui sort, donc qui sort, Satan enlève dans son cœur de peur qu'il ne porte de fruits. Vous voyez cela? Il enlève la parole dans le cœur. Je crois que vous ferez mieux de noter également ça, ce livre de Luc au chapitre 8 et vous allez encore relire cela. Vous voyez que dans ce même parabole également, le Seigneur parle que notre cœur est un problème. Notre style de cœur va déterminer notre croissance spirituelle. C'est ce qu'il a voulu enseigner là-bas. Parce qu'il y a des gens qui écoutent, il dit, il y a des gens qui écoutent la parole, la reçoivent avec joie, mais ne portent pas de fruits. Il dit, ils succombent aussitôt qu'une épreuve arrive. Ils ne peuvent pas persévérer dans la persécution. Mais celui qui a reçu la parole sur la bonne terre, c'est celui qui écoute avec un cœur attentif, un cœur joyeux, la reçoive, porte du fruit. Donc Dieu s'attend à ce que la parole puisse pénétrer dans nos cœurs, y demeure et reproduit cela et produit. C'est pourquoi c'est entré. Donc notre cœur doit être gardé. Et l'ordre est donné ici que nos cœurs soient gardés plus que toute autre chose. Maintenant, écoutez très attentivement. La porte d'entrée du cœur, c'est nos cinq sens. La porte d'entrée de notre cœur, c'est nos cinq sens. La porte d'entrée de nos cœurs. Pour que quelque chose nous pervertit. La sœur Alida, veuille couper ton micro, s'il te plaît. La porte d'entrée de notre cœur, c'est nos cinq sens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça veut dire, par exemple, si vous lisez le livre de Job au chapitre 1, vous allez remarquer que chaque fois, Job va être visité par un messager pour lui donner des mauvaises nouvelles. Pour lui donner les mauvaises nouvelles. Le but des mauvaises nouvelles qu'on donne à Job, c'est pour paralyser sa confiance en Dieu. C'est pour paralyser le fait qu'il tient ferme au Seigneur. On veut lui dire, les Sabéens, on était en train de faire perdre tes brebis. Les Sabéens sont venus, ils sont passés au fil de l'épée toutes tes brebis. Avec tes serviteurs, je me suis échappé seul. Il dit, je me suis échappé seul pour te porter ces nouvelles. Pour te dire cela. Vous voyez? Ouvrons encore le livre des Proverbes. Ouvrons le livre des Proverbes. La page. Vous y êtes. Verset, chapitre 14 des Proverbes. Chapitre 14 des Proverbes. Le verset 10. Connaît ses propres chagrins. Oui. Et un étranger ne saurait partager sa joie. Voilà. On continue encore au chapitre 18. Les simples non. ont en partage. Le chapitre 18, verset 15. Un cœur intelligent acquiert la science. Oui. Et l'oreille des sages cherche la science. Chapitre 23, verset 12. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Verset 15. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Vous entendez ce que le Seigneur dit? Il dit que si notre cœur est sage, c'est en ce moment qu'on va réjouir son cœur. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Dieu tellement. C'est pour cela que dans ce livre de Proverbes seulement, il parle de à 76 reprises du cœur. Donc le cœur était. Souvenez-vous que Salomon était en train de faire les recherches parce qu'il a eu la sagesse pour rechercher exactement ce qui doit plaire à l'homme, comment l'homme doit vivre. Et là, il fait la recherche scientifique. Il passe le temps à disséquer le cœur. Disséquer le cœur, disséquer. Il dit 76 fois, on parle de cœur dans le livre de Proverbes seulement. Il passe le temps à répéter sur le cœur. Il dit, mon fils, si ton cœur à toi est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Je vais me réjouir. Donc, ça veut dire que pour qu'on fasse réjouir le cœur de Dieu, il faut qu'on soit sage d'abord dans notre cœur. Le verset 17 dit quoi, le verset 17 dit quoi? Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Vous voyez ce qu'il en est? Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours, toujours la crainte de Dieu. Ça veut dire, et souvenez-vous, le chapitre 3 de, quoi, dans le livre de, ce même livre des Proverbes, chapitre 8, verset 13, la Bible déclare que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc le cœur doit arriver au niveau sans de haïr le mal. Pourtant, dans le livre de Marc, chapitre 7, nous avons lu là, toutes les choses que le Seigneur a dit au verset 23, que toutes ces choses mauvaises, donc ce sont les choses qui sont mauvaises, ça se trouve à l'intérieur du cœur. Et là, on dit qu'il faut que le cœur ait constamment, de façon perpétuelle, la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire la haine du mal. Le cœur doit plutôt haïr le mal. Il ne doit pas prendre plaisir au mal. Le verset 19 dit quoi, ma soeur? Continuons toujours. Verset 19 du chapitre 23. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Mmh. Chapitre, verset 26. Verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans moi. Qui est prêt à donner cela au Seigneur alors? C'est pour ça qu'on suit le message. Que le Seigneur... Parce qu'on veut que le message nous travaille pour qu'on en arrive vraiment à oui. Ce point. Mmh. Donc, on va arriver donc à ce point franchement. Parce que là, le verset 26 du chapitre 23 nous dit clairement, en fait, mon fils, donne-moi ton cœur. Quand le Seigneur dit, donne-moi ton cœur, qu'est-ce qu'il veut faire de ce cœur-là? Nettoyer. Il veut nettoyer, n'est-ce pas? Il veut nettoyer. Maintenant, suivons ça. Alors, gardez le livre des Proverbes ouvert si vous n'avez pas plutôt le téléphone Android. Alors, on a le chapitre 36 d'Ézéchiel. Puis, rentrons ici dans le livre des Proverbes encore. Chapitre 36 du prophète. C'est ce que notre prophète a dit là. Chapitre 36 d'Ézéchiel. Verset 25 à 27. Qui d'autre peut lire? Il ne faut pas qu'on punisse la Saint-Loris aujourd'hui. Elle a dit au départ, elle a dit, on dit que c'est fort. Non, c'est avec plaisir. Hein. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. C'est une joie pour moi. Hein. Alors, le verset, les versets 25 à 27 de Ézéchiel, chapitre 36, qu'est-ce que ça dit? Je ne sais pas encore Ézéchiel, je ne sais pas encore. Courage. Je suis pas encore professionnel. Oui, alors après avoir ouvert Proverbe, tu avances devant, après Isaïe et Jérémie, et suite, il y a Ézéchiel. Ah, avant Daniel, d'accord. Ézéchiel, combien? Chapitre 36, les versets 25 à 27. Qu'est-ce que ça dit? 36. Comprenant donc ces choses, ce que nous sommes en train de voir maintenant, vous voyez que c'est une bêtise de dire à quelqu'un que va à l'église. En fait, c'est pour ça que vous êtes. Quand vous entendez les enseignements, on dit cela, quand il dit, c'est une faute que de dire aux gens que non, il faut aller à l'église, il faut ceci. Le vrai problème de l'homme, ce n'est pas qu'il aille à l'église ou quoi que ce soit. Le vrai problème de l'homme se trouve à l'intérieur de lui. Il est d'abord son premier ennemi, c'est lui. Ça veut dire quoi? Il faut que le cœur soit converti. Si son cœur n'est pas converti, tout ce que tu lui dis, ça ne sert absolument à rien. Parce que par exemple, si quelqu'un fume la cigarette, vous lui dites, oh, la cigarette, ça te détruit ton corps. Il dit, ah, j'ai peur. Alors là, il voit effectivement, peut-être le docteur va lui dire, ton pancréas est touché, ton foie est touché. Il va essayer d'éliminer la cigarette dans son quotidien. Mais vous voyez effectivement que le vrai problème, ce n'est pas la cigarette. C'est la source qui sort de lui. Parce qu'il va cesser de détruire son corps avec la cigarette, mais il va haïr quelqu'un. Et la Bible déclare que ces choses-là, ça le souille. Donc le vrai problème, se trouve à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut la conversion. Il faut que son intérieur soit transformé. On parle donc de la nouvelle naissance. Si ce n'est pas ça, tout ce que tu as fait, c'est zéro. Allons-y, ma soeur. 36 au chapitre à partir de 25, c'est ça? 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Wow! Quelle promesse! Qui a dit cela? Qui a dit ça? C'est le Seigneur qui a dit ça, n'est-ce pas? Vous voyez la promesse merveilleuse qu'il a faite là-bas? Le Seigneur dit qu'il va ôter dans notre corps le cœur des pierres pour mettre le cœur des... Ma soeur, fini, continue la lecture, c'est pas fini. Je mettrai mon esprit en vous. Oui. Et je vous ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, oui, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Oui. Vous habiterez le pays que j'ai donné. Non, ça va, à tu as dépassé. Pays. Là, tu as dépassé les bornes. Alors maintenant, regardez. Regardez attentivement. Vous voyez que Dieu donne une promesse. Je ferai telle chose, je ferai telle chose, je ferai telle chose. Et là, ceci montre clairement que si Dieu n'a pas. Écoutez très attentivement. Il dit que c'est lui. Dieu s'est engagé ici de le faire. Et remarquez très attentivement que c'est inconditionnel. Vous voyez ce travail si inconditionnel. C'est-à-dire que il ne faut pas que nous n'avons pas besoin de mériter n'importe quoi pour que Dieu puisse nous faire cela. Donc c'est une transformation. C'est la transformation du vieil homme à la nouvelle création ici. Il dit dans le livre du prophète Esaïe que le peuple nouveau-né que je vais créer, ils vont célébrer sa gloire, sa louange. Donc c'est le peuple nouveau-né ici dont il est en train de parler. Et voilà le processus de la nouvelle création. Ici, il promet donc qu'il va faire ces choses à l'intérieur de nous. Et c'est lui qui dit qu'il va faire que nous obéissons à sa parole. Donc ça dit qu'il va placer son esprit à nous. Vous voyez effectivement que si ces choses n'est pas passées à nous, c'est pour ça qu'on a une vie spirituelle chétive. Parce qu'on essaie de vivre une vie spirituelle à la manière charnelle, avec notre chair. Ça ne peut pas marcher. C'est un peu comme une poule qui essaie d'imiter le canard. Elle va imiter le canard en entrant, par exemple, dans la boue, en faisant telle chose, en picorant comme le canard. Mais l'épreuve se trouve dans les eaux. Dans le coude, elle va savoir que là-bas, il faut avoir les palmes. Et là, il ne peut pas imiter. Là-bas, c'est la noyade. Donc, tenter de dire à quelqu'un qui n'est pas chrétien, de vivre une vie chrétienne, c'est exactement de dire à une poule de nager comme le canard. Le canard a ses palmes. Quand il entre à l'intérieur, il commence à faire exactement comme Cousteau. Vous savez, Cousteau à l'intérieur de l'eau, là. Mais la poule n'a pas cette habilité-là parce que la parole ne lui a pas été donnée. Maintenant, ici, Dieu permet, nous dit, que cette parole-là va habiter en nous. Mais il y a une procédure qui va se faire, un processus qui va se mettre en place par sa puissance. Et il dit que c'est lui qui va le faire. Il va faire de telle enseigne que le cœur de pierre, c'est-à-dire ce qui crée au sacré, regarde, le cœur de pierre, c'est-à-dire le cœur dur, qui ne parvient pas à prendre la parole de Dieu en considération, qui ne parvient pas à vivre la parole de Dieu, Dieu dit qu'il va enlever ça littéralement. Vous comprenez pourquoi dans le chapitre 23, chapitre 23, verset 26, elle a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Je ne sais pas si vous comprenez. Si l'œuvre du Seigneur n'est pas accomplie en nous par son esprit comme ça, on va continuer à tergiverser. Mais faisons-lui confiance, il est à l'œuvre. Faisons-lui confiance. Il est à l'œuvre. Parce que vous allez remarquer dans votre vie que la colère, il y a parmi vous des gens qui étaient en colère. Petite chose, vous mettez en colère. Mais maintenant, vous simplifiez les choses. Quelque chose s'est passé. Amen. Il y a des gens qui, des choses que tu tolérais initialement, tu ne tolères plus et tu n'as pas fait l'effort. Ça disparaît automatiquement. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il y a des gens qui vivaient dans le mensonge, des gens qui vivaient dans tout genre de dérèglement. Mais subitement, Dieu enlève ces choses-là sans demander quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qu'il en est de faire? Dieu est à l'œuvre, travaillant dans notre cœur, même au-delà même de ce que nous pouvons penser. Rentrons dans notre proverbe, dans notre livre de proverbe, mes chers. Souvenez-vous de deux versets principaux. Chapitre 4, verset 23 des proverbes. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Chapitre 28, verset 26. Chapitre 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donc, gardons notre cœur et donnons-le au Seigneur, n'est-ce pas, pour que le Seigneur puisse œuvrer en nous. C'est lui seul qui peut faire la transformation. Il a dit, sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Et souvenez-vous, dans Jean chapitre 7, 15, que j'ai cité aujourd'hui, verset 7, il a dit que si sa parole demeure en nous et on demeure en lui, on va voir toutes ces choses-là. qu'on demande n'importe quoi qu'on veut, cela nous sera accordé. Proverbe chapitre 1. Proverbe. Alors chapitre 2 déjà. Chapitre 2 du Proverbe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, peuple de France. France de la sainteté, bonjour. Ne soyez pas calme comme ça. Bonjour à vous. Ah, bonjour, frère Junior. Bonjour. Oui. Même si ça fait, même si ça semble bizarre tout ce que j'en ai dit, vous savez très bien que c'est pour notre bien, c'est pour que nous travaillons pour avancer, d'accord? Amen. Allons-y, verset 1, à partir du verset 1 du chapitre 2 des Proverbes. Lisons tout le chapitre 2 des Proverbes doucement et on voit quelque chose. Parce qu'on va passer à une autre phase maintenant. Allons-y. Je laisse la main. Oui. À quelqu'un d'autre. C'est bien, ma soeur, que Dieu te bénisse. Tu ne veux pas entrer au paradis seul. Merci, amen. La France dans la sainteté, chacun me regarde comme cela. Ok, la soeur, je lis. Mon fils, tu reçois mes paroles et que tu gardes précieusement en toi mes commandements. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles à toi la sagesse et que tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et si tu la cherches soigneusement comme des trésors, alors tu connaîtras la crainte de Yahweh et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car Yahweh donne la sagesse et de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Il réserve le salut pour ceux qui sont droits. Et il est le bouclier de ceux qui marchent dans l'intégrité. Pour garder les sentiers de la justice, il gardera la voie de ses bien-aimés. Alors tu comprendras la justice, le jugement, l'équité et tout bon chemin. Si la sagesse vient dans ton cœur et si la connaissance est agréable à ton âme, la réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera pour te délivrer du mauvais chemin et de l'homme qui tient de mauvais discours, de ceux qui abandonnent les voies de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux, qui sont joyeux de mal faire et qui se réjouissent dans la perversité des méchants. Eux donc, les sentiers sont tortueux et qui dans leur conduite vont te faire, afin qu'ils te délivrent de la femme étrangère et de la femme d'autrui, dont les paroles sont flatteuses, qui abandonne l'ami et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison pêche vers la mort et son chemin mène vers les ombres. Pas un de ceux qui vont vers elle n'en retourne, ni ne reprend les sentiers de la vie. Ainsi, tu marcheras dans la voie de ceux qui sont bons, et tu garderas les sentiers des justes. Car ceux qui sont droits habiteront la terre, les hommes intègres y demeureront. Mais les méchants seront retranchés de la terre, et ceux qui agissent perfidement seront arrachés. Amen. Le verset 2 dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves vers lui ta voix, le verset 3, vous y êtes. Et le verset 4, regardez bien, c'est là le verset 4 qu'il faut vraiment y amplifier. Si tu la cherches, comment? De quelle façon? Comme de l'argent. Voilà. En fait, les gens pensent qu'ils vont seulement rester comme ça là. Ça se passe. Quand il s'agit de Dieu, on prend tout genre de négligence et tout genre de supputation. On essaie de justifier en disant que non, Dieu va comprendre que je suis occupé. Dieu va comprendre. Non. Ici, il dit la façon de chercher la sagesse, c'est la façon dont nous cherchons l'argent. Voilà le frère Willy qui a parcouru plus de 6000 km pour chercher l'argent pour la famille. Vous le voyez, n'est-ce pas? On va aller au chapitre 4. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent, qui sortent très tôt pour ne pas rater les transports en commun, pour aller prendre les, pour faire des combinaisons, pour aller au travail. Il y a des gens qui font tout et tout. Et si un patron te dit, telle heure, tu dois être là, telle heure, vous serez là. Parce qu'en réalité, vous savez que les heures, c'est le zéro. Les heures se confondent au zéro. Vous voyez? Et ici, il dit que si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, il dit, tu comprendras la crainte de l'Éternel et la sagesse viendra dans ton cœur. Maintenant, on ne veut pas chercher la sagesse. Mais la seconde, comment donc la chercher et où la chercher? Chapitre 4, allons au chapitre 4. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Les 13 premiers versets. Qui va lire alors? Je lis. Oui. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence. Car je vous donne une bonne doctrine, ne rejetez donc pas mon enseignement. J'ai été un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'a enseigné et m'a dit, que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne point et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. La principale chose, c'est la sagesse. Acquiers la sagesse et avec toutes tes possessions. Il y a le bruit chez quelqu'un. Lassé Loris, ferme ton micro parce qu'il y a le bruit chez toi. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle te glorifiera quand tu l'auras embrassée. Elle posera sur ta tête une couronne de grâce et elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, ainsi les années de ta vie te seront multipliées. Je t'ai enseigné le chemin de la sagesse et je t'ai conduit dans le sentier de la droiture. Quand tu y marcheras, ton pas ne sera pas gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras pas. Embrasse l'instruction, ne la lâche pas, garde-la, car elle est ta vie. Amen. Amen. Vous voyez effectivement la manière dont le Seigneur veut que nous fassions. Donc, la source, il n'y a pas deux sources, c'est la parole. Il parle des instructions telles qu'il a écrit. Il dit que le verset 4 du chapitre 4 là, quoi, le verset 5 dit, à quelle la sagesse, à quelle intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, non, la parole. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Remarquez, c'est au féminin là, dont la parole protège. Vous voyez? Maintenant, si vous lisez au chapitre 3, la Bible déclare au chapitre 3, comme la sœur Loris voulait lire aujourd'hui au chapitre 4, elle a lu au chapitre 3. La Bible déclare que, je crois que c'est puisque nous au chapitre 4, c'est mieux qu'on y va. Regardez très attentivement la manière que la Bible est en train de vouloir soigner notre cœur en nous dirigeant d'après la parole. Il dit qu'on embrasse la parole. Si on embrasse la parole, on garde les enseignements. On va voir cela maintenant. Chapitre 3, les deux premiers versets d'abord. Qu'est-ce que ça dit? Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde le commandement, car ils t'apporteront de longs jours et des années de vie et de paix. Oui, voilà. Verset 21 maintenant à 26. Mon fils, que ces enseignements ne s'écartent point de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne bronchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne crains ni la terreur soudaine, ni la ruine des méchants quand elle arrivera. Car Yahweh sera ton assurance et il gardera ton pied de toute embûche. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Le Seigneur nous fait comprendre ce qu'il a mis les instructions là-bas. Derrière ces instructions se trouve dans la sagesse, parce que c'est la sagesse qu'il a mis. Comme il a dit qu'il a taillé, c'est cette colonne-là. Hein. Vous voyez? Lorsqu'on prête attention à l'instruction, on laisse, comme il a dit ici depuis, il dit qu'il faut qu'on garde ces instructions-là dans notre cœur. On garde les enseignements dans notre cœur. Quand on garde les enseignements dans notre cœur, on prend cela en considération, comme Jacques a dit, comme je l'ai cité ici, la sagesse vient dans notre cœur. Il dit, garde la réflexion dans ce livre, dans ce premier chapitre 3, le verset 21, il dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Ça se trouve dans le cœur là. Dès que ça se trouve dans le cœur maintenant, ça se passe que on y médite. Et quand on médite, ça prend vie en nous. Ça commence naturellement à nettoyer ce qui n'est pas de Dieu. Il dit, si on fait ces choses-là, notre confiance va se reposer sur l'Éternel. On va commencer à entendre sa voix, à connaître sa voix, la façon qu'il veut que nous marchions. On dit, ça va prolonger notre vie et ça sera la paix pour notre, ça va nous procurer la paix. Donc, on voit effectivement que les gens cherchent la paix dans les cigarettes. D'autres cherchent la paix dans la drogue pour essayer d'avoir la calmie. Ça, c'est la calmie. On essaie de fermer, c'est un peu comme la bombe, comment s'appelle ça, les bombes, les mines antipersonnelles. C'est là, comme ça, au sol, lorsqu'on touche petit à petit, on enlève petit à petit. Ce sont les spécialistes qui doivent enlever cela. À tout moment, ça peut exploser. Donc, un homme qui essaie de se vautrer dans la drogue pour essayer de trouver la paix, la calmie. D'autres entrent dans la musique pour essayer de faire pour fermer ces choses-là. C'est le signe que l'être humain a un problème à l'intérieur. Il faut que la paix vienne sur le cœur. Et ça vient sur le cœur. Pourquoi ça vient sur le cœur? Il faut que toutes ces choses qui ont été citées par le Seigneur dans Marc chapitre 7 soient extirpées de notre cœur. Si c'est extirpé de notre cœur, il n'y aura point de traces d'AVC. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de traces de ces choses-là, de crises cardiaques. Il n'y en aura pas. Parce que le cœur a des pressions, de meurtres, des pressions, de mensonges, des pressions de vol, ainsi de suite, à l'intérieur. Il dit, ça sera, si on garde ces choses-là à l'intérieur de nous, ça sera la santé pour notre corps. La Bible déclare qu'un cœur joyeux est un bon remède pour le corps. Savez-vous ça, frère? Donc, quand le cœur est joyeux, ça propulse même la guérison à l'intérieur. Donc, en clair, notre cœur a des problèmes. Il faut qu'on livre nos cœurs au laboratoire du Seigneur pour que le Seigneur puisse le faire. Et il nous donne ainsi la voie. Comment faire pour le faire? Il faut qu'on se soumette à la parole. On laisse la parole entrer en nous. Et on garde la réflexion. Il dit qu'il a déjà mis par écrit au chapitre 22, verset 17. Il dit, n'ai-je pas déjà mis par écrit pour toi? Il dit, pour toi, je vais t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Après des 60 fois dans la Bible, là-bas, il dit, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, en donnant les instructions au fils. Ici, au chapitre 2, il dit que ça va préserver le jeune homme de la femme étrangère, celle qui tient les discours là pour pouvoir détourner les gens. Parce que quand le cœur va parler avec perversité, on va commencer à draguer. Vous voyez? Donc, encore en clair, notre cœur a des problèmes et Dieu désire sanctifier notre cœur. Il a dit qu'on lui donne le cœur. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui, mes chers soeurs et frères? Amen. Est-ce qu'on peut prendre l'engagement de remettre notre cœur entre les mains du Seigneur en disant, Seigneur, me voici, je lâche mon cœur. Mais souvenez-vous, le chapitre 3 des Proverbes, le verset 5, nous dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc, ce n'est pas normalement nous qui allons nous conduire. Comme Jérémie chapitre 10 le dit, ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. Ce n'est pas à nous de diriger nos pas normalement. Parce qu'en réalité, quand tu diriges tes pas, tu ne sais pas si là ou devant nous. Le chapitre 14 du Proverbe, le verset 12 dit, telle voie paraît droit à un homme, mais l'issue, c'est la mort. Quand tu prends un engagement de marcher quelque part, tu ne sais pas où le but de la chose. Or, comme les yeux de l'Éternel sont sur la terre, ça parcourt pour regarder tout ce dont le cœur est tout entier à lui. Comme 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9 le dit, quand il connaît ta voie du début jusqu'à la fin. Alors, abandonnons-lui toute chose et laissons-le nous conduire dans cette voie-là à bon port. Et il nous conduira certainement à bon port. La France dans la sainteté, bonjour et bon dimanche. Merci. J'espère que vous n'êtes pas fâché que ça soit terminé si tôt comme ça. Voilà, étape par étape. Étape par étape, que le Seigneur vous bénisse. Et le frère Willy est fatigué, il faut qu'il parte se reposer pour se préparer demain à aller au travail. Gardez à l'esprit qu'il a dit que si on, il faut chercher la façon dont on cherche l'argent. Donc, quand vous cherchez l'argent, la force qu'on met, comme par exemple ton mari, il est sorti pour aller chercher l'argent. Vous voyez? La façon qu'on fait là, quand il s'agit pour Dieu, il faut qu'on fasse de la même façon. Parce que c'est le trésor là. Lisons un dernier verset avant de partir alors, si vous le voulez bien. Luc chapitre 21, le verset 34 et 35. Luc chapitre 21. La sœur Alida, ton micro est ouvert. Luc chapitre 21, le verset. Le frère Willy, il faudra que le frère Willy lise cette fois-ci. Bon, la sœur Leroux, on t'entend comme tu as dit là, donc il faudrait me couper le micro. Alors, Luc chapitre 21, le verset 20, 34 et 35, le frère Willy, tu y es? Oui, j'y suis. Qu'est-ce que ça dit? Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par des soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que toutes ces choses qui arriveront aient de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà. Voilà ce que le Seigneur dit à ses disciples. Souvenez-vous, il parle là premièrement aux apôtres. Il dit que des choses vont arriver sur la terre subitement. Qu'on veille et on prie pour que ça ne nous surprend pas. Mais il y a une chose qu'il dit là-bas. Il dit, notre style de vie ne doit pas nous déchoir de cela. Regardez ce qu'il dit là-bas par rapport au cœur. Il dit quoi? Prenez garde à vous-même. De peur que votre cœur ne s'apaisantisse. Vous avez vu? C'est-à-dire que le style de vie peut faire oublier l'essentiel. Le style de vie que nous menons peut faire état que notre peur, notre cœur est embourbé dans les activités de la vie. Il ne dit pas des excès de manger et de boire, les fêtes. Donc, ici, on parle de la fête ici. Il dit, et pas des soucis de la vie. C'est donc pour cela qu'il a dit qu'on ne s'inquiète pas. Qu'on ne doit pas se soucier. Donc, Jésus interdit que les soucis de la vie n'aient d'impact sur la vie, sur le cœur de ses disciples, de ses enfants à lui. Il dit qu'on prenne garde. Prenez garde. Prenez garde. Donc on prend garde que les soucis ne doivent pas résider dans notre cœur. Qu'on prenne garde que la fête, par-ci, la fête par-là, ne nous fait perdre l'essentiel. Prenez garde. Prenez garde. La France dans la sainteté, bon dimanche. Frère, oui. Je voulais toujours savoir si c'était lié à cet exercice-là, parce que ce qui m'est arrivé l'autre jour, c'est qu'on est parti au centre commercial. Et là-bas, du coup, je me sentais pas bien. Enfin, je me sentais comme oppressée. Et je n'avais plus ça là. Donc, je ne supportais plus tout ce mouvement autour de moi. J'étais comme malade. Donc, mon âme était comme oppressée. J'ai dit à Christ, non, rentrons. Parce que ça, je me sens, alors que d'habitude, j'y vais, on se balade les enfants, ça ne me dit rien. Mais ce jour-là, J'étais pas bien à l'intérieur, c'est comme si j'avais les vertiges. En fait, donc, au fur et à mesure que vous allez continuer avec les exercices, vous allez voir maintenant l'extérieur de la manière comme Dieu le voit. Parce qu'à l'intérieur, il n'y aura pas cette synchronisation du péché. Parce qu'en réalité, s'il y a le meurtre à l'intérieur de toi, ou bien l'adultère à l'intérieur de toi, tu vois une personne de commettre l'adultère, ou bien le vol, ou bien l'impudicité, tu ne verras pas du mal à cela. Parce que le cœur est déjà exercé à cela. Mais quand le cœur est nettoyé et sanctifié, purifié par le Seigneur, ce cœur-là est entre les mains du Seigneur. C'est Dieu qui parle à ce cœur. Tu vois, le cœur va commencer à voir le péché comme Dieu voit. C'est ce que la Bible déclare que l'autre, le juste, tourmentait journellement son âme parce qu'il voyait et entendait. Mais maintenant, comme je disais aujourd'hui, toutes les informations que nous avons eues de la perversité sont à l'intérieur de nous. Pourquoi Satan fait état à ce qu'il y a la publicité où les femmes et les femmes s'embrassent? Dans un film, il y a les séquences de toutes ces choses, ces violences-là. C'est pour préparer petit à petit, les clichés sont donnés en nous pour que nous admettions la chose comme faisant partie de la vie naturelle de l'être humain. Au point où quand le mal se passe, on ne voit plus du mal à cela, à ces mal-là. Mais lorsqu'on est mis à part, sanctifié par le Seigneur, on va doiter le péché à chaque moment comme étant le péché. Donc quand vous commencez ces exercices-ci, vous allez commencer à sentir vraiment comment l'Écriture dit qu'on est homme étranger et voyageur sur la terre. Vous allez commencer à comprendre qu'en réalité, partout là, il y a des choses qui ne vont pas. C'est comme ça que ça va vous conduire. Oui. Bon dimanche alors, vrai cette fois-ci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse avec cette musique. In this heart of mine, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good all the time, not more. God is good all the time. En fait, dans cette image, shadows all around. Do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put His all the praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Fill us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercy.